at playoffs. Oh, yeah. Bought 10 bottles, bought 10 more. 10 more. Told her move her ass to the tempo. Hey. Is you really with the shit though? Shit though. Really, is you really with the shit though? Shit though. We got champagne and vodka. Vodka. Goons with me if they need a problem. Whoa. Fuck niggas, hate real niggas, get money. Get money. All motherfuckers that. Baby, drop it to the ground like yes, bitch. Back it up like yes, bitch. Yeah. After the club, I'm smashing. Yeah. We'll come from the past. Rider, will cock up. She a make bag of nice, me no even give a fuck. She a swan lot of sign dollar where you a go do. Take her outside, go smash it on the avenue. Two of my bitches in the club. Me introduce them to each other. Other man a gal is, I'm in stanta forever. Single des Major Lazer, boum, pour terminer le Before Party Fun sur Fun Radio. Miko, tu reviendras à minuit ce soir pour Party Fun. Exactement, juste après le Night Show. Et le Night Show, c'est juste après la Win Fun. Et la Win Fun, c'est maintenant. Ah ouais, c'est maintenant, oui. Avec, un peu à la bourre. Avec Doc et un nouvel animateur. Oui, en France. Wins. Ah, j'avoue, nouveau c'est en France, Wins. Ouais. C'est Wins. Alors, mais on le connaît, il est en Belgique. Et ouais, c'est l'animateur. Nous, on avait fait une émission avec lui déjà. Ah oui, c'est l'animateur de la Libre Antenne en Belgique, c'est ça. Yo, JB, yo, Miko. Exactement, les gars. Eh, hey, respect, parce que je suis passé dans le studio. J'ai souri, j'ai trouvé ça cool. Il mixe vraiment, c'est vraiment du live. C'est pas une mixtape. Non mais les gars, attendez, faut le dire. Il y a pas une mixtape qui tourne, c'est pas une clé USB. Le gars, il mixe en live. Le slogan du Before Party Fun, c'est du mix en direct. Respect les gars, franchement, voilà, tout c'est est bien. Vrai sur Fun Radio et dans le Vinfun, il y a un vrai doc. Oui, c'est lui, il est toujours là, oui. En chair et en os, palpable. Bon, et bonne première émission palpable. Alors en France, Vince. Ah, mais merci beaucoup les gars. Merci, merci pour l'accueil aussi. Hein. Profitez et bonne émission et à demain. C'est gentil. Salut. Fun Radio. Tous les soirs. 01 42 48 5000. Love in Fun. Avec Doc et Karel. Du sexe, de l'amour et du fun. 20h, 22h. Sur Fun Radio. Salut tout le monde, bienvenue sur Fun Radio. Ah là là, pour la première fois, je dis ça depuis Paris. Oh là là. Eh oui, c'est Vince. Salut tout le monde, c'est Vince. Ce soir, parce que Karel n'est pas là, il revient demain. Bon, voilà. Tranquille, il revient demain, il n'y a pas de souci. Voilà. Il va bien, relax. Ça me fait plaisir d'être là. Il y a également Alice avec nous. Ça va, Alice? Salut, il y a Vince qui se baladait par là aussi. Tiens, bah toi, tu vas venir faire l'émission. Ouais, bah ouais, mais j'étais venu me passer à prendre un. Tu sais, j'étais à la durée pour prendre des macarons. On m'a attrapé, on m'a dit, ouais, écoute, on est en galère et il faut que tu viennes animer. Je fais, ok, ça va, pas de problème. Je suis là, c'est où les contrats? C'est... Bah écoute, en tout cas, on est très content de t'avoir dans l'émission. Hein. Merci, enfin, merci pour l'accueil. Ça fait plaisir de la faire avec toi. Et puis voilà, on avait vécu une belle expérience avec toi l'année dernière au Fun Radio DJ Awards. Ouais. Et donc voilà, grand le doc, il a kiffé. Le doc, il a kiffé. Ouais, j'ai kiffé. Cassim aussi a kiffé. Ça va, Cassim? Ça va très bien. Par contre, Doc t'appelle Wins. C'est Vince. C'est on pas les Wins. Je vais l'appeler Wins. Ils voient les choses en double. T'inquiète pas, il y a bien W. Twins, oui. Twix, Wins. Ouais, dedans couple la fin. Pas de soucis. Et on va se franchement, aujourd'hui, on va se mettre bien. Ça fait plaisir, franchement, d'être là aujourd'hui avec vous. Salutations à toute la France et à la Belgique aussi. Puisque le Levin Fun est diffusé ce soir en Belgique également. Et ouais. Voilà. Et on salue les Flamands qui nous écoutent. Ah oui, la Flandre. Salut les Belges. Voilà, j'espère que ça se passe bien. J'aime bien les Belges. Ils sont très sympas. Ah, mais. J'ai vu ça. Je fais pas ça pour faire de la pub, moi. Non, je sais. Oui. Je sais que tu es un homme sincère, Doc. Ouais, oui. Je le sais très bien. Et c'est un honneur d'être animé avec toi. Franchement, c'est un kiff. Moi, je suis ravi que tu sois là. Je salue le standard également. À Cécile et notre ami Ryan. Ça va les gars ? Ça va. Tranquille. Ah, Ryan, j'ai découvert un truc, il arrive, il m'a lancé toutes les anecdotes sur mon émission en France, en Belgique. Et toutes les anecdotes, genre ouais, il s'est passé ça. Parce que moi, en fait, pendant le VinFun, en vrai, je vous écoute dans mon casque en fait. Non, parce que tu vas avoir des problèmes en disant ça. Donc je vais être honnête, c'est à partir de 22h. De 22h. Deux minutes. Puis reviens sur Marion Anso tranquille. Ça fait plaisir, Frangin. T'inquiète pas, j'ai un poste pour toi au cas où. En tout cas, les amis, aujourd'hui, on est là pour faire une émission avec vous. Donc n'hésitez pas si vous voulez réagir. 02 42 48 5000. 01. Ah, pardon, c'est en Belgique, 02. 01 42 48 5000, c'est bien ça hein. Ouais, si je l'ai gardé nulle part, hein. Je l'ai fait comme ça à l'arrache. Comme quoi, j'écoute Fun France, c'est ça qui fait plaisir. Ouais. Bon, les amis, ce soir, nous allons discuter, déjà pour commencer cette émission, avec Virginie qui est là pour introduire. Salut Virginie. Salut. Bonsoir. Salut. Ça va, tu vas bien? Ça va et toi? Ça va très bien, tu viens de Saint-Etienne, le 4-2. Ouais, je fais le mec qui connaît. Voilà. Fréquent à savoir sur le. Alors, moi je dis 96.3, mais je sais qu'en France vous dites 96.3. Hein. Tranquille. Alors, ma chérie Virginie, tu viens de Ronald, qu'est-ce qui se passe? Raconte-nous un petit peu. En fait, le truc, c'est que ce week-end, samedi, je suis d'anniversaire. Et il y a un gars qui est invité que je ne peux plus du tout me voir. Ah bon, et je ne sais pas comment faire. Tu ne peux plus voir, c'était un pote? C'était pas un copain? C'était quoi? Oui, c'était c'était un copain, oui. Ah mais pourquoi c'est plus un copain? Parce qu'il me mitonne de jour en jour et au bout d'un moment, j'en ai marre. Ah là là, t'es tombé sur un pote mythomane. Ah, ça craint, ouais, ça. Carrément. Ouais, mais quand il te raconte quoi comme une connerie, par exemple? Ben, Jacques, je vais rencontrer Alice. Ouais. Le truc, voilà, je sais que pour l'instant, pas possible, malheureusement. Et donc. Et attends, mais le gars, ça veut dire que tu t'apprêtes à le voir prochainement, là? Ah ben, je le vois samedi, oui. Ouh, je peux être ça, et ça veut dire qu'il va venir te dire bonjour et te pourrir la vie, c'est oui, ça que tu veux dire. Oui, justement, je sais pas si moi je lui dis bonjour. Vas-y avec un mec un peu balèze. C'est ça, ça va le calmer. Non mais Doc, tu ferais comment toi? Un endroit, j'espère que c'est pas mon cas. T'es dans un endroit, par exemple, et tu n'aimes pas la personne avec qui tu es, tu fais comment? Mais parce qu'elle a oublié de lui dire avant qu'elle l'aimait plus. Non mais c'est difficile à... Ah non, quand t'es à quelqu'un, tu dis écoute, tu me saoules, je préfère qu'on se parle pas. Tu parles comme ça, Cash. T'as pas peur de vexer la personne? Non, parce que je pense que la sincérité, c'est comme ça. Tu dis écoute, c'est pas de ta faute, mais moi je suis comme ça, voilà. Ça, je préfère, voilà. Elle peut emballer la chose, parce qu'elle est chez... Doc, écoute, je t'aime pas trop, Écoute-moi, t'es dans un anniversaire, t'as envie de t'amuser. Ouais, bien sûr, ouais. Tu te fais chier, c'est pas possible, il faut vraiment s'amuser. Ouais, mais il faut passer un peu de la pommade après, tu vois. T'as peut-être ruiné la soirée de la personne et peut-être t'as mis un froid dans la soirée en elle-même, tu vois. Est-ce que t'as peur de lui mettre la honte? Non, du tout, non. Eh ben alors, vas-y. Oh, purée. Et ça a tog, hein. Il rentre dedans, le Doc. Bien sûr, mais il faut être honnête avec les gens. Il faut être honnête. Là, moi, je vais vous dire, c'est la façon dont vous le dites. Voilà. Ce qui compte, c'est pas la sincérité, c'est la façon. Tu peux le dire de manière agressive et blessante. Et tu peux aussi présenter ça comme venant de toi, pas forcément à cause de lui. Ouais, mais même quand tu dis ça, tu sais, regarde le cas de Virginie, elle va dire ça au mec, même si elle met des gants, le gars, il peut. T'es vexé avec ce genre de truc, Alice, tu t'y prendrais comment, toi? Bah, moi, franchement, je lui dirais quand même. Je lui dirais, mais gentiment, lui dire, écoute, bon, voilà, moi, je suis passé à autre chose, on a bien déliré si avant ils étaient plus proches, mais maintenant, écoute, je pense qu'on n'est pas fait pour être potes, et puis voilà, prendre des pincettes, c'est quand même mieux pour éviter le retour, tu vois. Ouais, mais, tout à voilà. Fait. Il y a une chose, tu l'as pas eu au téléphone depuis quand? Lui, il essaye de m'appeler, mais moi, je réponds pas. Niveau message, pareil. Ah oui, pareil. Il va poursuivre. D'accord. Appelle-le avant, dis-lui. Ce sera plus facile. Ouais, mais j'ai pas envie de l'appeler. Virginie, alors c'est très simple. Technique du Doc. Il arrive, tu lui dis cash. Écoute, la soirée, on va la faire, mais toi et moi, on se parle pas. Point. Voilà. Oui, mais mets des gants. Hein. Ça va, on te fait un bisou, hein, Virginie. Bon courage. Hein. Bon bisou. Bisous, salut. Alice, je t'aime. Salut, bisous. Emmène Alice avec toi. Voilà, elle va le dire au mec. Bisous. Nous en parlons avec Adrien tout de suite. Il a 16 ans, il vient d'Evry. Salut. Et il a une question super originale. Hein. Salut, Adrien. Salut, Adrien. Salut, ouais. Ça va, salut. Tu vas bien? Ouais, ça va, il y a un peu de changement, j'adore. Bien écoute, Merci, ça fait plaisir. C'est quoi? Elle écoute pas. Bah non, mais il écoute. De toute façon, c'est un frangin. Il va revenir demain, tranquille. Bon, Adrien, bouge pas, on arrive tout de suite sur Fun Radio. Voici le son de Drake avec One Dance. Lovin' Fun, on est en direct. Il y a le doc. Mon nom, c'est Vince, Alice, toute l'équipe. Bienvenue tout le monde. Grips on your waist, front way, back way. You know that I don't play. Street's not safe, but I never run away. Even when I'm away. OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like your style. Strength and guidance. All that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Ah, il est bon son Drake là. One Dance en Fun Radio. Et l'album qui cartonne, hein, le mec il a battu tous les records, c'est incroyable. Il a même battu Justin Bieber, étonnant. Bienvenue sur Fun, Lovin' Fun. Jusqu'à 22h. Lovin' Fun. Lovin' Fun. Du sexe, de l'amour et du fun. Sur Fun Radio. Oh là là, et c'est ça le kiff, c'est que je vais faire une émission enfin où je vais parler de sexe, d'amour. Je ne fais jamais ça avec le doc, avec le pro en la matière. C'est toujours le doc. Ouais, toujours, très bien. Tranquille. Le téléphone, c'est Bernard, t'as dit ouais, 01 42 48 5000. Cool. Bravo. Voilà, comme ça on est bien là. Ah, t'as vu, comme ça dans la tête. Hein. Kassim, toujours tranquille. Ah, là, cool. Si jamais j'ai une voix pourrie, tu peux me le dire. Oui, t'inquiète. C'est le cas. Hein. Merci, c'est gentil, j'apprécie. Ah là là. Et Alice du web, est-ce qu'on a des messages, Alice? Bah écoute, ouais, tu veux que je lise des petits messages un ouais, petit comme message ça. On a reçu un message de Coralie qui veut savoir si les tests de grossesse sont fiables. Ah oui, totalement, oui. Et alors, c'est en tout fait, c'est pas, juste... il se passe une chose très très simple, c'est que dès que tu as une grossesse qui démarre, tu as une sécrétion hormonale qui augmente énormément. Et c'est ça que tu recherches, donc tu le vois tout de suite. Et il n'y a pas besoin de revérifier après avec une prise de sang non, ou des choses comme des ça. Tu fais des échos maintenant, tu fais des échographies maintenant. Et un autre message de Mélanie, j'ai la peau super grasse, comment faire pour que ça change? Ah, ça, c'est d'abord utiliser des produits non, qui ne donnent pas de séborrhée. Il faut vraiment utiliser soit des savons. Alors, les moins agressifs, c'est les savons acides. Parce qu'en fait, la peau est acide. Si tu mets un vrai savon, ça va stimuler la séborrhée. Original. Un savon acide et puis une crème protectrice sans additifs si possible. D'accord, très bien. Ouais, non, mais c'est une bonne technique. C'est parce que je t'avoue que la graisse. Ouais, pourquoi pas. On me dit que j'ai le front luisant de temps en temps. Hein. Adrien, toujours avec nous. Il a 16 ans, il vient d'Evry. Ça va toujours, Adrien? Ouais, ça va tout le monde. Adrien, il y a une question super originale à nous poser. Ça tombe bien, puisque, bon, pour ceux qui ne savent pas, je viens de Belgique. J'anime aujourd'hui en France pour la France et la Belgique, il faut le préciser, avec le doc, avec toute l'équipe. Ouais, et justement, c'est une question en rapport avec, avec les pays. Vas-y, raconte un peu, là. Voilà. Alors, moi, ma question, c'était pourquoi la moyenne de la taille des sexes varie selon les pays? J'ai des chiffres. Et j'avais une autre question, pourquoi les Belges en ont une plus petite que les Français? Je le prends pas personnellement, pas du tout. Alors, tu peux donner les chiffres là, tu les as ou pas? Ouais, je les ai les chiffres. Alors vas-y. En France, la moyenne elle est de 14,5. Oui. En Belgique, elle est de 14,04. Oui. Le plus gros du monde, c'est le Congo, avec 17,93 centimètres. Je pense que c'était un cliché, moi. 17,93. Et alors, le plus petit? Et le plus petit, c'est le Népal avec 9,3 cm. Déjà, pour la France, tu réduis de 20% parce que c'est des grandes gueules, ils ont toujours raison. Donc tu réduis de 20% pour la France, d'accord ? D'accord. Non, mais c'est génétique, c'est comme il y a des grands, il y a des petits, il y a des gens qui sont plus carrés que d'autres. Ça dépend aussi, bien sûr, de la latitude, puisque les gens ont évolué sous une certaine latitude. Et tu penses que, le doc, tu penses que s'il y a plus de gravité, tu peux avoir une plus longue Visiblement, au soleil, ça fait pousser. Non, mais tu sais, moi, quand j'étais petit, Adrien, quand j'étais petit, j'étais persuadé que le fait de mettre un slip réduisait la taille en grandissant. J'étais persuadé, c'était dans ma tête. Hein. C'est pour ça que t'étais tout le temps à poil. Voilà, exactement, je me travaillais. Non, heureusement, je mettais le caleçon et tout ça. Ouais. Mais ça, c'est des bêtises, on est d'accord. Hein. Bah oui, bien sûr. Non, mais il y a des... Voilà, au Népal, probablement. Mais même, par exemple, pour la Chine, on peut pas dire ça, parce que chez les Chinois, t'as des gens très très grands. Alors, ça va dépendre un peu de la taille, tout de même. Mais c'est particulier, la question d'Adrien. C'est vrai, comment se fait-il que ça, dans des pays comme ça peut différer de 3 à 4 centimètres? C'est énorme. La taille d'averse, c'est... mis à part les micro-pénis, c'est de 9-10 cm en érection jusqu'à 20-24. Il paraît que Rocco Siffredi faisait 24. Alors ici sur l'antenne, quelquefois, on en a qui sont à 30. Mais enfin, je ah bon oui, mais sur des Français. Qui ça, Alice? Il est con, celui-là. Désolé, c'est sorti tout seul. Voilà. Et dis-moi, elle est de combien la tienne, Adrien? Puisque c'est ta question. Elle est de 14. T'es belge, voilà. Alors. J'ai entendu Cécile qui a dit gros mytho. Hein. Non, mais 14, c'est cool. Ouais, alors, je l'ai dit et je le redis encore. Les filles préfèrent des sexes de taille moyenne parce qu'elles sont trop gros et que le mec est vigoureux, elles sont vachement mal. Voilà, un bon sexe en bonne érection, 12-13 cm, c'est ce que préfèrent les filles. Et je le répète. Maintenant, le doc, t'as vu, on parle beaucoup de centimètres et tout ça, mais est-ce que c'est pas les premiers centimètres les plus importants, il paraît? Exactement. Tout à fait. Chez la fille, c'est le premier tiers du vagin. Hein. C'est là que se passe tout, quasiment. Et chez le garçon, c'est pareil, c'est le haut de la verge. C'est pas toute la verge. Voilà. Et ben comme quoi. Est-ce qu'on a répondu à tes questions, Adrien? Ouais, c'est bon, nickel. Voilà, bah écoute, bienvenue dans le royaume de Belgique, mon pote. Hein, voilà, 14 centimètres, tout va bien. Okay. Et on salue nos amis belges qui nous écoutent là ce soir. Gros bisous, Adrien. Salut. Et Vince. Ouais, dis-moi, je t'écoute. Ouais, moi en fait, des fois, ça m'arrive de temps en temps d'écouter sur Fun Radio Belgique, donc continue comme ça si ton émission est super. Écoute, mon vieux, ça fait plaisir. T'es connu partout, toi. Je sais pas. Dès que j'ai le temps, voilà. Et merci, Adrien. Bah, parce qu'on peut écouter sur Internet, c'est ça l'idée. Voilà, exactement, sur fun.be. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est la même chose qui passe sur fun.be, ça c'est magique. Tout de suite. On va s'écouter R.I. Streffy là avec son single Bonne Bonne sur Fun Radio. Lovin' Fun. Suivez-nous sur Facebook, la page Lovin' Fun. Bruno dans la radio. Ce matin, c'était ça. C'est l'heure du JPI, le journal pas en images. Scoop, à la fin du mois, Jamel a du mal à joindre les deux bouses. Bruno dans la radio. Bruno revient demain sur Fun Radio. Et vous? Oui, vous, derrière la radio. Vous faites quoi pour la journée mondiale des donneurs de sang? Je dis ça parce qu'en moins d'une heure, vous pouvez sauver une vie. Des vies. Venez, on a besoin de vous. Célébrons la vie, donnons notre sang. Pour savoir où donner, rendez-vous sur jedonnemonsang.net. Ceci est un message de l'Établissement français du sang. Fun Radio. Avec les offres Trilogy, vous avez trois bonnes raisons de rouler enfin en BMW. Un taux de financement exceptionnel, 3 ans d'entretien offert et la garantie étendue à 3 ans pour 1 euro de plus. Uniquement sur des occasions sélectionnées par votre concessionnaire BMW. Offre Trilogy jusqu'au 18 juin chez votre concessionnaire BMW Premium Sélection.

femme ne me blesse. Tu perds ton temps, tu me testes, mais moi je m'en fous. Et au fait, non je ne retourne pas ma veste. Que tu partes ou tu restes, finalement je m'en fous. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour, j'entends plus, je fais le tour. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour. Pourquoi tu me tournes autour? Je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour, j'entends plus, je fais le sourd. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour, pourquoi tu me tournes autour? Laisse-moi faire mes affaires, je te laisse faire des efforts. Quitte à tout foutre en l'air, ouais au fond, je m'en fous, rien à faire. Tu as raison, oui j'ai tort, moi je préfère me taire, ouais au fond, je m'en fous. Sur Fun Radio, je m'appelle Vince, c'était Ritza avec Je m'en fous. Lovin Fun, le doc, Alice, toute l'équipe, on est là. Et on est là. Tu veux demander un truc, mais t'oses pas. Mais t'es un grand malade, toi. Tu veux ou tu veux pas, dans Lovin Fun sur Fun Radio. Ah, le légendaire, tu veux ou tu veux pas. On a Manon qui est avec nous dans le standard. Salut Manon. Salut. Salut. Comment Salut. Ça va? Tu vas bien? Ouais, ça va. Oh, quelle charmante voix. Je donne. Oh, je donne au hasard. Je n'ai bouché, tout va bien. T'as 17 ans, t'as 17 ans. Hein, 17 ans? Non. T'as quel âge? 13. Arrête! Bon, ouais, ça va, Doc, t'as rien entendu, vous êtes au courant. Ça va, j'ai pas dragué, j'ai rien fait. Qu'est-ce qui t'amène là? Bah, en fait, je me suis engueulée avec ma meilleure amie il y a pas si longtemps. Et pourquoi? Et pour une scène de jalousie, qu'elle traînait avec d'autres filles et pas avec moi. Ah, t'as fait une scène de jalousie à ta copine? Ouais. Ah oui, et donc je suis plus copine avec toi parce que t'es copine avec les autres, c'est ça que t'as fait? Bah, ouais. Ah oui. Non, mais attends, ma chérie. Manon, t'es love ou quoi? Ouais, t'es amoureuse? Non. Non, voilà. C'est juste, voilà. Ouais, mais voilà, elles sont inséparables, donc j'imagine bien que ça peut créer de la petite jalousie. Bon, tu veux qu'on fasse quoi? Tu veux qu'on l'appelle? Ouais. Mais là, tout de suite, t'es réconcilié avec elle ou t'es toujours fâché avec elle? Bah, je suis un petit peu réconcilié, mais j'aimerais bien m'excuser quand même. Alors, vas-y. Ah là là, bon, allez, c'est parti. Tu veux ou tu veux pas me pardonner? Pourquoi pas? Let's go, on appelle. Ok. Allez, je te souhaite le meilleur. Ouais, ça sonne. C'est déjà bon. Oh, allô? Allô? Salut, c'est qui? Manon. Pourquoi tu m'appelles? Bah, en fait, tu vois ce qui s'est passé il y a pas si longtemps. Ouais, et j'ai pas envie d'en parler. Bah, en fait, je voulais m'excuser. Ouais, mais là, attends, mais reste avec tes meufs, là. Reviens pas me voir, c'est bon. Bah ouais, mais bon, on est meilleurs amis depuis la cinquième, c'est bon quoi, enfin, on pourrait se pardonner quand même. Ouais, mais non, attends, tu vas traîner avec tes autres potes au lieu d'être avec moi, ça, c'est bon. Ouais, mais bon, enfin, tu vois, moi ça me dérange un peu. Ouais, bah pas moi, si tu préfères les autres que moi, voilà, reste avec elle, hein, je suis désolée. Bah non, mais bon, désolée d'avoir fait une scène de jalousie, enfin, tu me connais. Ouais, mais moi, t'as une scène de jalousie pour ça, ça sert à rien quoi, c'est vraiment débile. Ben, je m'excuse, mais tu veux redevenir ma meilleure amie ou pas? Bah là, pour moi, je suis toujours en colère contre toi, du coup, à quoi ça sert, quoi? Bah, je sais pas, mais bon, on est inséparables depuis la cinquième, depuis qu'on se connaît, je sais pas, mais bon. Ouais, mais fallait pas faire cette scène de jalousie de con, là, sérieusement. Bah, désolé, mais bon, c'est de ma faute. Bah si, attends, déjà, tu t'emportes trop vite et tout, t'as juste pour des filles et tout. Je suis désolée, quoi. Désolé, je m'excuse, ça fait 10 fois que je te le dis. Ouais, moi, j'accepte pas, voilà. Bah ouais, bon. C'est simple, voilà, soit t'es avec moi, soit t'es avec les autres, voilà, t'en faut choisir. Bah ouais, mais bon, moi j'ai envie d'être avec toi. Ouais, bah on verra plus tard, après. Ouais, si tu veux, mais bon, ça va être chaud demain au collège déjà, donc voilà. Allô, Zana. Salut, Zana. Salut, Zana. Ça va? Salut. Ouais. Ouais, ça va, c'est qui? Tu sais où tu es? Est-ce que tu sais où tu es? Bonne question. Non. Devine. T'es sur Fun Radio, on va lui dire tout de suite. Ouais. T'es sur Fun Radio, ma chérie. Alors, je sais pas si je dois t'appeler ma chérie ou mon chéri, on hésite. Avec le doc, là, tout à l'heure, on se regarde, on se dit. Attends, parce que Zana, excuse-moi, bon. Ah, on a raté un épisode. Comme on est cash et qu'on se dit tout, hein, voilà. Ouais. T'es un garçon ou t'es une fille? Je suis une fille. Ah ouais, ok. Ah, une fille qui a beaucoup de testostérone. Je pense. Elle a mangé un requin hier soir. Et je suis sûr que tu chantes très bien. Non, pas du tout, là. Ah bon? T'as une petite laryngite, t'as la gorge prise, non? Non. C'est ta voix naturelle, ok. Voilà. Bon, écoute, alors, une femme peut aussi avoir la voix qui mue, peut-être que demain ça va faire salut, je m'appelle Zana, tout va bien. Alors ma chérie, si on t'a appelé, si Manon t'a appelé, voilà, c'est parce qu'elle s'en veut. Elle s'en veut, et puis, je sais pas, tu le prends toujours sur la négative comme ça, là, Zana, qu'est-ce qui se passe? Relax, elle t'appelle, elle s'excuse et tout, tu vois, tu peux pas... Ah ouais, tu peux pas lui en vouloir. Mais le truc, c'est que, enfin, voilà, c'est une scène de jalousie pour rien et tout, voilà, je suis encore en colère, quoi. Ah, ça veut dire qu'elle te kiffe. D'accord, mais c'était quoi? C'était vraiment une grosse scène? Ouais, enfin, elle était jalouse et tout, du coup, bah. Mais elle est amoureuse de toi, ou quoi? Je sais pas, moi. Mais non. Bah, Doc, c'est une marque d'attention. Si maintenant, je sais pas, t'es mon frangin et je te fais une petite crise, ça veut dire que je tiens à toi, tu vois, c'est normal. Oui, c'est vrai, t'as raison. Oui, y a raison. Ok, ouais. Mais bon, en même temps, c'est marrant, vous êtes un peu fusionnels, non? Vous étiez pas un peu collés l'une à l'autre, comme ça? Si, on restait toujours ensemble et tout, mais bon. Alors, je vais vous dire, c'est normal à votre âge, parce que les garçons et les filles... Ben c'est vrai, non, les garçons et les filles sont en couple, mais pas en couple sexuel, en couple tout court. C'est-à-dire que les garçons traînent avec les garçons, les filles avec les filles. Ouais. Et que l'amitié est très forte, et que ça prépare un petit peu à la relation amoureuse. Je parle pour ceux qui sont hétéros, qui sont quand même en majorité. Et donc, c'est normal qu'il y ait comme ça ces amitiés un peu particulières. Donc, voilà. Mais allez, Zana, tu vas quand même peut-être lui pardonner, non? C'est normal, un peu, je sais pas. Oui, bah peut-être un jour, mais bon, là, pour le moment, je suis pas trop prête, quoi. Ah, Zana, on est sur Fun Radio, devant toute la France et la Belgique en plus, tu peux pas lui faire ça. Elle est désolée, c'est bon. Ouais, bah, je sais pas, quoi. Oh là là, et c'est bon. Alors, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse pour te faire pardonner encore? Vas-y. Bah, je sais pas trop. Qu'est-ce qu'elle aime peut-être un peu, quoi. Ouais, ok. Donc, en fait, si j'ai compris, tu veux bien, mais à une condition, c'est qu'avec le temps, elle te prouve qu'elle a vraiment changé. Ouais, voilà. Voilà, Manon, t'as compris? Mais attends, si. Je t'ai expliqué. Hein. Quand tu fais ça à quelqu'un, ça renfroidit, tu comprends? Ouais, on prend ses distances, je pense. On prend ses distances. Mais si toi, t'es correct et que tu ne lui pourris pas la vie et que tu ne lui fais pas des scènes, elle pourra tout doucement revenir, mais une condition, c'est que tu ne recommences pas, parce que si tu recommences, là, le dossier est terminé. Ouais. Tu comprends, Manon? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous laisser le temps de cogiter, de discuter tranquillement en antenne. Rappelez-vous, discutez. Voilà. Vous supprimez pas de Facebook, sinon ça va être de la galère. Et on prendra de vos nouvelles. On va vous rappeler dans quelques jours, histoire de voir que ça s'est vraiment calmé. Je vous fais des bisous, les amis. Bisous. Et on a Enzo, les amis. Salut, les filles. Enzo qui est en connexion avec nous. Montreuil-sur-Mer. Salut, Enzo. Salut. Salut Philippe, salut Doc, salut équipe. Salut. Yo, comment ça va? Alors j'adore parce qu'il y a le réalisateur, je vais vous le dire comment ça se passe, hein. Enzo, je te le dis clairement, le réalisateur, Cassim, il m'a balancé un truc dans l'oreille. Oui, c'est que j'ai une oreillette, hein, c'est un truc de ouf. Alors il voulait me faire reprononcer quelque chose. T'as dit non, je t'ai dit intro. On va écouter de la musique. C'est parce que j'ai dit Montreuil sur mer, le mec il fait Montreuil. Et moi j'ai dit, c'est pas vrai. Et lui il avait compris intro. C'est pas, c'est ça. Et moi je me suis dit, c'est pas vrai, tu vas pas dire que Montreuil ça se prononce Montreuil, on va déconner non plus. Bon, il a une question, comment aborder les filles? La question fatidique, surtout quand on a 11-12 ans comme ça. C'est le moment où faut passer aux choses sérieuses. Il y a 12 ans là. Ah, je sens que t'as quel âge, Enzo? 12 ans. Voilà. Ouais. Comment aborder les filles, hein. Ouais, mais est-ce qu'il y a une réponse à ça? On va voir avec le doc. Ouais, je pense qu'il y a une réponse. Voilà, on va voir ça tout de suite d'ici quelques secondes sur Fun Radio. En attendant, on se met bien. Elle est kosovare, elle fait de la bonne musique. Elle s'appelle Erais Trefi. Voici Bonne sur Fun Radio. Et plaisir d'être avec le doc et Alice, tranquille. Alice, t'es silencieuse, ma chérie, qu'est-ce qui se passe? Bah, tout va bien, je t'écoute, je bois tes paroles. Ah, bois, oui. No sé dónde, dónde te. Se me voy por ti, veo. Te veo, me veo. Se me da ni un creo. Se me van. Ever no se van, dun dun. Bet you wanna taste it, bun bun. Bet you wanna. kiš. Vom drugu će me mu kore priše priš. Ja on si ima ane. Se kurv dofni hat. Love in fun sur Fun Radio. Voici R.I. Streffy, c'était bonbon sur Fun. Si vous ne pensez qu'au fruit du chêne, quand on vous parle de gland, vous devriez peut-être écouter Love in Fun. 20h, 22h, sur Fun Radio. Exactement, avant de retrouver Enzo, là, 12 ans de Montreuil-sur-Mer, qui a une question très originale, hein, une question normale qu'on se pose quand on est ado, savoir comment choper une boîte. Même plus tard, ben, c'est vrai, ça. Il n'y a pas d'âge en fait, parce que la personne perd la technique. On dirait qu'il n'y a pas de technique, on en parle tout de suite. Ouais. Avant ça, Alice, elle a des messages sur les réseaux sociaux, la page Facebook Love in Fun. On a reçu un petit message de Marjorie. Pourquoi j'ai ultra mal au sein pendant que j'ai mes règles? C'est normal parce que lorsque tu as des chutes des hormones, tu sais, ce qui déclenche les règles, c'est que tu as les œstrogènes, les hormones féminines, la progestérone, ça chute brutalement, c'est ce qui déclenche les règles. Tu as un rebond d'une autre hormone qui s'appelle la prostaglandine. C'est pour ça que ça fait mal d'ailleurs. La prostate comment j'ai pas. Prostaglandine, c'est des hormones. D'accord. Et qui stimule la glande mammaire. Et d'accord. Qui en même temps donne des contractions abdominales, ce qui explique que les femmes ont parfois des règles très très douloureuses. Et le miracle, c'est que les médicaments. Je sais pas, je crois que c'est vendu, enfin, des anti-inflammatoires, je crois que c'est pensé, un truc comme ça. C'est vendu sans ordonnance, calme. On sent des anti-prostaglandines et ça calme. C'est pour ça qu'il faut en prendre, parce que c'est au-delà des seins, c'est surtout les douleurs abdominales. Il y a des filles qui ont très très mal au ventre avec ça. C'est dans ce genre de cas, vraiment, je me permets d'interrompre, mais je voudrais vraiment faire une grosse dédicace aux femmes qui écoutent cette émission. Mesdemoiselles, mesdames, vraiment, je suis content d'être un homme. Et je vous respecte pour ce que vous subissez au quotidien. Ah, merci, ça fait plaisir. Ah, vraiment, Alice, il faut le dire. Et un autre message de Caro qui nous contacte un peu en urgence parce qu'en fait, elle a fait une pipe à son mec, sauf qu'elle avait mangé un plat un peu épicé. Et maintenant, le pauvre, il est en souffrance, il est tout rouge et du coup, elle sait pas quoi faire. Alors, elle dit en panique, qu'est-ce que je dois faire? Voilà. Je me désolais de me moquer, mais. C'est une pipe au piment de cayenne. Voilà, c'est une pipe épicée, donc le pauvre. Il faut vite laver, passer sous l'eau. C'est très important pour enlever tout ce qu'il y a dessus. Et mettre une crème apaisante, je pense que oui, c'est sans ordonnance, donc je peux le dire. Genre Dermalibour, c'est très bien. Ok, très bien. Voilà. Et ben splendide. Ouais, cours, Caro. Cours. Voilà, on revient vers les questions là, insolites là, qui sont quand même posées bizarre, sur le téléphone. Pourquoi pour l'odeur du sperme avec les piments, c'est ça? Ah, bah, non, à mon avis, ils n'étaient pas pimenté. Partis pour faire une fellation et puis hop, après. C'est le hasard, ils ont oublié quoi. Voilà, c'est ouais, ça. J'avais un piment en bouche, bah ça va, c'était pas du pili-pili congolais, tout va bien. Là, le pauvre, il n'aurait pas pu nous envoyer de message ni rien. Hein. Les amis, on est toujours disponibles sur funradio.fr pour voir le live en direct des studios si vous le désirez. Voilà, comme ça vous voyez Alice. Elle est toute jolie, Alice, hein, franchement. Oh, tu sais que tu verrais, t'as une réputation déjà rien qu'en à Bruxelles là, au studio de Fun Belgique, tout le monde, on t'a vu une fois. Ah oui. Tout le monde voulait te revoir, et ben allez-y, profitez-en. Il voulait même la garder. Belgique. Ah ouais, non, mais ça c'était compliqué, on n'avait pas les moyens. Allez-y sur funradio.fr les amis. Toujours Enzo, Montreuil-sur-Mer. Ah là là, Enzo, bah il est en 5e, mais je crois qu'il kiffe une fille là. Vas-y, raconte un peu Enzo. En fait, je kiffe une fille, mais je sais pas du tout comment aller avoir, demander son numéro, tout ça. C'est comme se retrouver face au boss final d'un jeu vidéo, c'est très compliqué de devoir y arriver, je comprends. Est-ce que tu lui as déjà parlé? Oui, une fois. Une fois, mais faut commencer par lui parler. Voilà, c'est aussi simple que ça, faut pas se prendre la tête. C'est tellement énorme pour toi, t'es tellement amoureux que t'as l'impression que c'est l'Himalaya à franchir, d'accord? Ou à gravir. Mais c'est rien de tout ça. Après, quand tu parles avec les gens, s'il y a du feeling, ça se voit, les regards, les attitudes. N'oubliez jamais qu'au-delà des mots, il y a un langage du corps, et des yeux, et du reste. Mais pour comprendre ça, il faut se ramasser des râteaux, donc c'est bien parti pour Enzo aussi. Je crois que ouais, t'as raison. Le pauvre. Non mais surtout, il ne faut pas que tu te prennes la tête, toi, c'est tout. Non mais c'est ouf, parce que je comprends, je me mets à sa place, et je crois qu'il y a plein de jeunes qui vivent ça. Tu te retrouves dans une situation où t'as l'impression que c'est insurmontable, t'as l'impression d'être jugé, t'as l'impression d'être analysé dans tous les sens, et surtout t'as peut-être l'impression que ça va se savoir. C'est-à-dire qu'Enzo, la fille avec qui il va parler, ben, peut-être une de ses peurs, Enzo tu me dis, hein, si j'ai raison ou pas, c'est peut-être qu'elle en parle à tout le monde, genre Enzo il est amoureux de la fille, etc. C'est galère, c'est le regard des autres après. T'as peur de ça? Tout à fait. Oui, bien sûr, mais le râteau c'est pas très grave. En tout cas, vas-y doucement, parle-lui et laisse-la un peu venir, regarde comment elle est. Voilà, et puis après, si elle te met un râteau, elle te met un râteau, c'est pas grave, non? Hein? Ouais, non mais attends, ouais. Tes copains, ils font tous pareil. Hein. Comment est-ce qu'il peut voir, ou comprendre qu'elle est un peu intéressée? Parce que le langage, garçon-fille, c'est compliqué. La façon de regarder, la façon de s'intéresser, voir si vraiment, de temps en temps, elle vient spontanément vers lui. Ouais, mais Doc, un regard, c'est un regard, je veux dire, c'est des yeux, des yeux. Ah non. T'es jamais tombé amoureux, toi? Ah, écoute, si, j'avoue, si. Tu vois bien, quand tu la regardes, tu vois bien comment elle te regarde. D'accord. Et putain, mais il a une expérience de ouf, le Doc, hein. Il connaît, hein. Ah oui, un petit peu, ouais, quand même. Non, mais c'est ça, c'est très important. Enfin, ce que je dis, c'est très sérieux, c'est-à-dire le langage du corps, de l'expression corporelle, le langage des yeux qui regardent, la façon d'être, voilà, c'est tout, c'est comme ça. Mais surtout, ce qui est très con, c'est, je te le dis Enzo, hein, c'est de croire que c'est une technique. C'est-à-dire que les techniques, c'est les prédateurs qui utilisent les techniques. C'est lui qui veut vraiment pêcher pour pêcher, tu sais, genre... Je veux choper une gonzesse. Non, bienvenue en chasse et pêche. Mais t'es pas obligé de lui dire, en fait. Ouais, t'es pas obligé de lui dire direct de but en blanc, bah écoute, je te kiffe, tu peux déjà y aller tranquille. Tâter un peu le terrain, tu lui as parlé qu'une seule fois. Tâter le terrain, tu la touches pas quand même. Mais non, mais voilà. Et tu sens comment qu'un mec qui te dit cash, Alice, ouais, tiens, je te kiffe, bah, en fait, ça marche pas ou ça marche? Souvent, on prend un peu peur parce que c'est difficile de dire à quelqu'un que tu le kiffes alors que tu lui as parlé qu'une fois. Donc forcément, on se dit putain, le mec me kiffe, mais il me connaît pas. Donc qu'est-ce qu'il kiffe? Tu vois ce que je veux dire? Donc je pense qu'il faut vraiment qu'il apprenne un peu à la connaître et tu verras par toi-même si tu peux te lancer ou pas. Ouais, Alice est d'accord avec moi, Enzo. Alors. Est-ce que tu as compris? Oui, j'ai compris. Comment tu vas faire là? Bah, du coup, je vais aller lui parler, mais prendre connaissance. Ah, bah très bien. Tu nous rappelles pour nous tenir au courant? Ok, ok. Bonne chance. Et je te fais un gros bisou, Enzo. À bientôt. Hein. Je pourrais avoir le papier au Vinson. C'est pas moi qui décide. Et justement, je vais prendre des risques de ouf et je vais dire oui. Voilà. Si quelqu'un allait voir, c'est chez moi. Faudra dire au premier. Gros bisous, Enzo. Ciao, ciao. Salut. À bientôt. Dans un instant, le chiffre d'Alice. Alice, tu veux nous parler de quoi aujourd'hui? Eh ben, ce soir, on va parler. Qu'est-ce qui t'arrive? Excusez-moi, j'ai totalement un trou de mémoire, je ne sais pas du tout. C'est ma faute, oui, je sais, je suis beau, grand. Ah, si, non, tu peux le dire, regarde-moi. J'ai un trou de mémoire, mais non, c'est venu. C'est ce ma soir, faute. On va parler hein. du coup d'un soir. Je me kiffe. Hein. Non, c'est toi, et tu l'as trouvé. T'as vu ça? Elle essaie. Trop tard, attends, je vais massacrer son truc. Elle essaie de se rattraper, elle arrive pas, tu as un petit massage? Non, mais j'ai trouvé maintenant. On va parler des coups d'un soir. C'est un peu bizarre. Il est bien le massage, il est appréciable. Elle m'a fait le regard, genre, j'ai un mec, j'arrête. Donc tout simplement, on s'est posé la question, voilà, qu'est-ce que vous pensez des coups d'un soir? Est-ce que vous avez déjà testé? Et bonne ou mauvaise expérience selon vous, tout simplement? Ça, c'est une vraie question parce que. Ouais, c'est vrai. Parce que merci moi, le doc fait. Pour cette intervention totalement nécessaire. Ouais, n'oubliez pas, vous pouvez réagir. Dis-nous si vous avez déjà testé les coups d'un soir. Dis-nous les avantages, les inconvénients. Si jamais vous avez déjà fait un one shot. Allez, on en parle tout de suite sur Fun Radio. Juste après, le son d'Imani avec Don't Be So Shy. C'est ce qui débarque. Et d'ailleurs, une particularité dans ce morceau. Ah, si je vous dis que c'est une petite reprise entre guillemets de Jean-Jacques Goldman. Ah ouais, ouais, c'est pas des blagues. On arrive. Suivez-nous sur Snapchat. En tapant Love in Fun Radio. Bonsoir et bienvenue sur Fun Radio. Tous les soirs. Minuit, 1h. C'est Party Fun. Party Fun. On Fun Radio. Jeudi, revivez le mix de Synapson. À l'occasion de la 3e édition du Winamax 6 Mix. Winamax. Le festival électropoker qui fait vibrer Marrakech. C'est Party Fun. La première émission Dance Electro de France sur Fun Radio. Laissant Dance Floor. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Bonjour patron. Bonjour. Dites donc, c'est à cette heure-ci qu'on arrive? Mais enfin Berthier, mais de quoi je me mêle? Vous inquiétez pas, ça restera entre nous. On est à l'aise en toutes circonstances quand on profite de Citroën C3 avec climatisation et 7 ans d'assistance offert. Dépêchez-vous, pendant les jours plus, Citroën C3 Vitamine est à partir de seulement 9 990 euros. Portes ouvertes ce week-end selon autorisation. Citroën. Offre sous condition de reprise d'un véhicule de plus de 8 ans, valable jusqu'au 30 juin dans la limite des stocks disponibles. Détails sur carstore.citroën.fr. Soche présente. Et tu sais quoi? Je suis pas chez Soche. Oh mince, je suis pas chez Soche. Ben Polo, qu'est-ce qui t'arrive? T'arrives à le dire d'habitude? Non mais là c'est l'offre, ils m'ont soufflé. Pour 9,99€ par mois, j'ai 5 gigas d'internet mobile sur Orange, le réseau mobile numéro 1. Ah oh, super, j'ai passé chez Soche. Oh mince, oh! Jusqu'au 15 juin, le forfait 5 gigas est à 9,99€ par mois pendant un an, puis 19,99€ avec le code Soche promo. Soche! Rapport Arcep 2015, promotion valable en métropole jusqu'au 15 juin 2016 pour toute nouvelle souscription à un forfait mobile 19,99€ par mois sur réseau et mobile compatible. Détails sur soche.fr. Un été sportif chez Micromania. Vivez des émotions fortes et profitez d'offres exceptionnelles. En ce moment, pour l'achat d'une console Xbox One, Micromania vous offre jusqu'à 165€ de bons d'achat à valoir sur l'intégralité des magasins et sur micromania.fr. Dépêchez-vous, c'est maintenant en exclusivité chez Micromania. Offre valable du 6 au 20 juin 2016 dans la limite des stocks disponibles. Voir conditions en magasin ou sur micromania.fr. Et voici la sélection Beansport pour cet Euro 2016 qui rentre sur le terrain. J'aperçois Alexandre Ruiz, Arsène Wenger, Darren Tullet, Marcel Desailly en grande forme, Jean-Pierre Papin, Robert Pires, Luis Fernandez, Omada Fonseca, Christophe Georges bien sûr et un Bruno Cheroux très motivé. Vendredi, coup d'envoi de l'UEFA Euro 2016 avec le match France-Roumanie en direct sur Beansport. Et jusqu'au 18

trouve ça totalement normal. J'aurais dit 100% voilà. Moi mais... 100%. Ah donc tu fais partie du chiffre, comme ça on le sait. Bah c'est magique le coup d'un soir, je sais pas non, mais il y a vraiment. Alors je ne prône pas, chacun fait un petit peu comme il veut. Quel souvenir hein. tu as des coups d'un soir. Mais de cette passion qu'il peut y avoir avant où tu te dis est-ce que ça va se faire en un soir ou pas. Ouais. Et que quand ça se fait, après finalement tu ne vois plus la personne, t'as l'impression d'avoir voyagé, d'avoir vécu, je sais pas, un petit film à la Woody Allen ouais, comme ça. Toi, oui, non, mais c'est ça. Oui, j'essaie le rendre romantique. Excuse-moi. Versus une histoire d'amour. Oui, oui, voilà. Alors là, la différence entre les deux, tu fais quoi là? Ah, ça c'est compliqué. Ah, ça ne peut plus être un coup d'un soir du coup. Bah oui, Alice. Moi, franchement, je suis pas trop adepte du coup d'un soir. Ou alors le coup d'un soir, mais 2-3 soirs. Mais celui qui est assumé. Le coup il faut qu'il y ait 2-3 soirs quand même. D'accord. En fait, ça m'est jamais arrivé d'avoir une seule personne pour un soir. Le coup d'un soir, 0,3 en fait. C'est voilà. Cassim, le coup d'un soir, c'est tous les soirs. Bah oui, non, c'est plusieurs coups, un soir. Mais ça se voit, c'est tellement beau gosse le mec. Arrête de le flatter. Ah non, non, si, je suis arrivé dans les studios, le premier truc que j'ai vu, c'est sa photo. Je dis, oh lui, c'est le gars qui chope. Oh, ça se voit, regarde le regard qu'il a, regarde-moi ça. Tu me fais chaud, c'est ça? Ah non, non, pas déconner non plus. M'appelle pas Vinciane, mais cela dit, pourquoi pas. Je sais, le coup d'un soir à plusieurs ouais, fois toi. Ok. Ouais. Oui c'est ça. Ouais. D'accord. Ok. Juste un truc. C'est vrai que ce qui est pas cool parce que tu as dit t'as parlé d'amour le doc. Ouais. C'est quand un mec vient et fait un petit peu genre hey, je suis love, je suis amoureux etc. Et qu'alors du coup pas. Et qu'en fait c'est juste il tire son coup et il se casse. Et ça c'est pas ça, cool. C'est, ça c'est dégueulasse. Ouais. Ouais. Dans ce genre de cas c'est un petit peu galère. Mais 78%, excusez-moi 78% qui kiffent le coup d'un soir. Quand même pas mal. Hein. Vous en pensez quoi? N'hésitez pas à vos réactions. Et justement on a Romain. Il a 27 ans, il est en connexion avec nous depuis Valence. Ça va Romain? Ça va, ça va. Salut, salut, salut Romain. Alors Romain, salut tout le monde, salut l'équipe. Oui. Coup d'un soir ou pas toi? Non, pas du tout. Pourquoi? Je vois pas l'intérêt. Oui, mais ça, c'est... Ah. On t'écoute. Et... Alors d'abord, ouais, effectivement, comme disait le doc, sans sentiment, je vois pas vraiment l'intérêt en fait. D'accord. Toi tu es en couple là, en ce moment? Oui, depuis 7 ans, oui. D'accord, depuis 7 ans et t'as jamais trompé ta copine? Non. Et tu l'aimes toujours? Toujours. Est-ce que tu l'aimes toujours comme au premier soir? Grande question. Il va dire oui. Je pense pas qu'on puisse tomber amoureux le premier soir, mais ouais, je l'aime de plus en plus chaque jour. Oui. Mais c'est ça, tu l'aimes différemment. Voilà. Oui, ok. Voilà. Une belle histoire d'amour, en tout cas. Et ça existe, la preuve. Oui, bon, c'est rare. Pourquoi pas? Non mais attends, juste un truc Romain, à aucun moment donné tes yeux se sont rivés, je t'incite pas à le faire. Ah c'est pas pareil. Vas-y, vite. Toujours... Non, vas-y. Si, on regarde toujours des autres filles, on est toujours attiré par d'autres personnes. Ah, quand mais même. Dans le principe qu'on est avec quelqu'un et qu'on aime la personne, on va pas voir ailleurs. Ouais, voilà. Donc, ça veut pas dire que tu regardes pas. C'est comme le restaurant, hein, histoire classique. Ouais, c'est ça. Oui, voilà. Tu regardes le menu, mais tu manges pas tout. Voilà, ouais, c'est exactement ça. Mais il regarde un gros menu, il regarde tout le menu. Ah, il en profite. Hein, il se dit, oh, je vais prendre un petit peu ça. Ah, bah non, je vais pas prendre. Mais Romain, il a dit quand même un truc très intéressant. Il dit, ouais, bah, au final, je vois pas l'intérêt. Mais c'est vrai que techniquement, il y a pas d'intérêt, à part peut-être pour flatter l'ego d'un mec. Non, un mec, quand il y arrive, il est content, quoi. Oui, bon, tu peux partager quelque chose, mais en général. C'est surtout très très très sexuel. Donc une fois que le mec a joué, il a joué quoi. C'est tout, ciao. Ouais, c'est ça. Mais il n'y a rien de concret, il n'y a pas d'avenir, il n'y a rien de concret en fait. Donc c'est, qu'est-ce que tu fais quand t'as tiré un coup, Cassim? Après, tu dis ciao, je m'en vais. Ouais, c'est ça, je me casse. Je mets une toile à bite. Le mec, c'est l'homme qui. Oh, non. Bah si. Lui, c'est l'homme qui s'assume le plus, hein, genre ouais, moi, même pas de douche. Bah oui, c'est ça, tu vas pas sortir avec la bite sale, quoi. Parce que si tu recroises une meuf qui te plaît bien, que tu vas dans un bar et que tu repêches une meuf, ouais. Si t'as la bite sale, jamais tu pourras la baiser. Bah tu peux masquer avec du déo, hein. Ouais, bon, un déo sur la bite, ça fait mal. Ah non, ça c'est sûr, ça pique. Ah, il a déjà testé. Ça sent l'expérience. Bah oui, et toi, Vince, alors, toi, non? Ah, c'est même déjà arrivé, mais j'étais beaucoup plus jeune. Voilà, j'ai 29 ans maintenant. Ah bah casé, non, maintenant c'est très sérieux tout ça. C'est ouais. La meuf écoute, là. Ah oui, elle écoute toute la famille avec, toute la belle famille surtout, donc on va pas faire les malins. Hein. Voilà, on te fait un gros bisou Romain, merci à toi de passer à l'antenne. Hein. Gros bisous l'équipe. À bientôt, ciao ciao. Ouais, merci le doc, tu m'as grillé auprès de ma meuf, tout va bien. Allez, nous avons Maël qui est là, salut Maël, il a 15 ans. Salut. Salut. Ah, ça va Maël, la vie est belle ou pas? Ouais, ça va très bien. Je connais cette voix. Oui. Maël, un auditeur belge. Oui. Ouais, alors, j'ai eu la particularité de connaître tous les auditeurs de Belgique. Ils sont 200 000, je les connais tous, tout va bien. C'est un long travail. Hein. C'est Maël, 15 ans, de Bruxelles. Alors Maël, les coups d'un soir, chaud ou pas, toi? Je ne l'ai pas encore fait, mais moi, tu sais quoi? Je crois que ça dépend, parce que si tu es célibataire et que tu as envie en soirée et tout, ouais. Mais quand t'es déprimé et tout, voilà. Mais quand... genre pour enlever la déprime, voilà. Le mec, attends. Au lieu de se dire je vais aller faire du sport, oh, je vais me faire un coup d'un soir, tout va bien, j'ai moins déprimé après. Non mais tu vois, quand on est en couple, je trouve que ça se fait pas et qu'on doit ouais. Ah bah oui, ouais. Non, mais ça, c'est l'infidélité. Un coup d'un soir, de deux soirs, de trois soirs, ça ne se fait pas, on est bien d'accord. Mais non mais je veux dire d'un soir, mais quand on est en couple, ça se fait pas, quoi. Et il y en a un paquet qui trompent leur... Bon, je dirais rien, mais il y a quand même un paquet de mecs qui trompent leur femme. C'est pas cool, hein, parce que là, toutes les femmes vont commencer à avoir des doutes et vont checker les textos. C'est à cause d'autres comme toi que les femmes vérifient nos GSM. Enfin, nos portables, pardon. GSM, vous dites Non, oui, Global Service Mobile. Non, portable, je parlais de portable. Vous n'avez pas entendu retirer de votre cerveau ce là, il est en train de dire que nous, les Français, on est un peu cons. Et que ils sont déjà, ils sont déjà branchés sur GSM, ça veut dire. Ouais, c'est anglais, c'est tout. Ouais, bref, t'as raison. Non, mais t'as raison de dire. Faut se moquer un peu des Français, ils sont un peu trop vaniteux. Bon, tu trouves? Ah oui. Décidément, il a fait de l'autorisation, c'est bien ça. On te fait un gros bisou, Maël. Quand tu veux, tu reviens dans le Vin Fun, hein, ça va? Mais bien sûr. Eh, hey, à bientôt, ciao ciao, porte-toi bien. Je suis content de te voir à l'antenne de France. Hein. Ah, oui, funradio.fr, tu me vois en direct live vidéo. Excusez-nous, encore à l'âge de pierre en Belgique, hein, donc on fonctionne toujours avec que la FM, voilà. Voilà, je te fais un gros bisou, Maël, hein, quand tu veux. Salut, Maël. Gros bisou. Bye bye, salut. Ciao ciao. Et nous avons encore Kelly qui vient réagir là, dans le standard. 25 ans, Annecy représente. Salut, Kelly. Salut, Kelly. Bonsoir tout le monde. Alors, salut. Enfin la vie de la gente féminine, d'une demoiselle. Kelly, les coups d'un soir, one shot, one pas night stand. Tout. Pas du tout non plus. Non, pas du tout, j'en ai jamais eu et j'espère que j'en aurai jamais. Est-ce que t'es en couple? Oui, je suis en couple. Imagine, ton mec va dans une réunion, une fête, il tombe sur une fille et one shot avec une fille. Tu apprends qu'il a tiré un coup avec une fille, tu fais quoi? Oh, je le quitte et je lui casse les deux genoux. Pour être sûr qu'il est nulle part. Vous avez entendu les mecs? Comment sont les filles maintenant? Ah ouais, non mais ça rigole pas. Par contre, on a beaucoup accentué ça vers les mecs. Genre ouais, les mecs font les one shot. Mais les filles aussi. Enfin c'est ça le dos. Ah d'accord. Mais alors les filles, quand un mec a couché avec une fille, genre elle te dit qu'il a couché avec 10 filles. Ouais. Ok. Quand une fille a couché avec 10 filles, avec 10 mecs, elle te dit qu'elle a jamais couché. Alice, c'est ça. C'est vrai, je suis d'accord. D'accord. Parce qu'on n'est pas là à se vanter de ce genre de choses. Au contraire, on préfère garder ça pour nous. Finalement, voilà. D'accord. Et d'ailleurs, il y a pas mal de réactions sur les réseaux sociaux. Il y a Vanessa qui nous dit qu'il y a pas mal, il y a pas de mal à se faire du bien et que au moins avec un one shot, on se prend pas la tête. Et il y a Tommy qui lui trouve ça pathétique. Il dit c'est comme prendre un morceau de viande et quand t'en as plus besoin, tu le jettes. Mais techniquement, si les deux sont d'accord. Bah oui, il y a pas de problème. Si les deux sont d'accord. Je pense que la plupart des gens sont lassés au bout d'un temps parce qu'on recherche comme ce qui est intemporel et tout le temps, c'est la relation amoureuse, c'est aimer. Donc ça restera et ça sera toujours. Et que dans One Shot d'un soir, t'as pas ça. On est d'accord. En tout cas, un grand merci à tous. Là. Merci chacun à, fait ce qu'il veut. À Kelly aussi qui est passé. Avec préservatif et One Shot. Voilà, de préférence. C'est quand même mieux ça. Bon, les amis, bougez pas là, parce que sur Fun Radio, on va avoir Marine qui a 25 ans. Déjà, elle est là. Salut Marine. Salut. Salut toute l'équipe. Ah, ça y est, le fallait pas demander. J'attendais ce défi là. J'attendais que ça arrive. Alors ma chérie, c'est très simple. On va téléphoner à ton mec, tu vas lui proposer un truc. Si jamais t'arrives à nous l'énerver, à nous le préparer, à nous le mettre à point là, tu vas repartir avec une tablette. C'est bon pour toi? Ok, super. Attention, elle va lui demander s'il va accepter de faire un plan à 3. Mais pas facile le plan à 3. Ah non, pas le plan que le mec y voyait. Avec un mec en plus. A tout de suite sur Fun. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. is what you came for. Lightning strikes every time she moves. Avec Rihanna, This is what you came from. C'est ce qui vient de débarquer à l'instant même sur Fun Radio. Love in Fun, on est en live, en direct. J'espère que ça se passe bien, welcome. On peut parler de tout, mais pas n'importe qui. Est-ce que tu veux que je vienne te laver la bouche avec du savon? Fallait pas demander. Fallait pas demander. Dans Love in Fun sur Fun Radio. Et bienvenue sur Fun Radio, Love in Fun spécial aujourd'hui, puisque ça se passe en France et en Belgique. Je m'appelle Vince, pour vous servir. On a Marine qui est avec nous dans le standard. Salut Marine. Salut Vin, salut toute l'équipe. Alors ça fait longtemps que j'ai toujours rêvé de faire ça. Marine, tu viens de Nancy, du 5-4. Voilà. Je t'ai placé. Non, mais, c'est tellement compliqué avec vos départements là. Il y a du monde. Hein. Ah, il y a beaucoup de départements en Belgique et, ouais. Hein. Et en France surtout. Bon Marine, si t'es avec nous, c'est parce que t'as envie de faire le fallait pas demander, une petite blague à ton copain. Enfin, dans un certain sens. Explique un peu. C'est ça. Je vais lui demander s'il est d'accord pour faire un plan à trois. Il va kiffer. Mais avec un garçon. Ah ouais, tu vois, ça passe de à Ah non, c'est sûr qu'on est plus motivé de faire ça avec une demoiselle. Alice, toi? Moi, je préfère avec une demoiselle. Moi, je préfère avec une nana, un mec en général. Mais il a du bol, ton mec. Bah écoute, il veut pas. Il ne veut pas. Et pourquoi? Bah, il a peur d'avoir trop de boulot. Tu sais. Ah, c'est du travail. S'occuper de deux demoiselles. Ah là là, il y en a une qui elle veut des fraises, l'autre il va falloir lui amener du champagne. C'est compliqué. Hein. Eh ben écoute, ce qu'on va faire, Marine, c'est qu'on va appeler ton petit copain. Il s'appelle Brice, c'est ça? Brice, c'est ça, oui. Allez, c'est parti, on va lancer ça. Le fallait pas demander. Allez, je croise les doigts. Allô? Allô, B? Ouais, attends, je t'attaque. Oui? Ouais. Oui, tu peux te mettre dans un coin calme, s'il te plaît? Oui, attends, je suis au boulot, là, je m'en vais. En fait, voilà, je te pose la question parce que tu es au travail, comme ça, tu auras le temps de te calmer. Voilà, ça fait un peu près 3 semaines que je me suis inscrite sur un site de rencontre pour faire un plan à 3. Alors, je sais que c'est... voilà, ça fait longtemps qu'on est ensemble et je me suis dit, tiens, mais alors, avec un garçon, parce que tu sais que je suis jalouse et qu'avec une fille, j'ai pas envie. Donc, en fait... Tu m'appelles au boulot pour me dire ça, toi? Mais oui, mais comme ça, t'as le temps de te calmer. Je me suis déjà inscrite sur un site de rencontre. Mais je me suis inscrite sur un site de rencontre et j'ai déjà trouvé un garçon. Et en fait, il serait d'accord pour faire un plan à trois. Donc, voilà, parce que c'est longtemps qu'on est ensemble et... Et voilà, Hein? Tu te prends pour qui, là? C'est une blague, là? Oui, mais en fait, parce que lui, il m'a dit qu'il savait super bien faire les cunis, et comme toi, tu sais pas trop, au moins, tu pourras voir comment il est. C'est qui, lui? C'est quelqu'un que j'ai trouvé sur un site. Marine, là, tu veux que je pète un câble? Je vais vous monter en l'air. Peut-être pas mal, je vais vous monter en l'air. Si t'es pas d'accord, tu peux regarder. Comme ça, on fait nos trucs. Regardez quoi? Lui casser sa bouche? Écoute, je vais quitter le boulot, je vais rentrer chez nous, je vais faire tes valises, ok? T'es cool là, t'es plus en Trafalgar, tu vas te démerder tout seul. C'est une grande gueule le mec. Non mais le gars, Marine, franchement, parle même pas, lui, il est relou quoi, il est gagnant, ça se voit, grande bouche, il s'est réingéré le gars. Hein. Oh, c'est qui lui? Dis-moi tout de suite. C'est la troisième personne. Je vais vous niquer vos races, vous deux. Je vais vous niquer vos races. C'est quoi, à niquer avant de niquer la mienne. Ouais, j'arrive, bouge pas, j'arrive, je monte dans la bagnole, j'arrive chez nous, je veux pas voir sa face, passe-le-moi. Tais-toi. Allô? Ouais. Ouais, salut, je m'appelle Vincent, ça va? Tu te prends pour qui, toi? Écoute, je me prends pour quelqu'un qui était très intéressé de faire ta connaissance, parce que, voilà, je suis un peu dans le genre de pratique, j'aime bien, rencontrer, puis partager. Je rencontre personne, voilà. je casse des bouches à ceux qui touchent ma femme. Mais non! T'as entendu? T'as compris ça? Pas obligé que je la touche, hein, ça peut se passer avec toi seulement. Ouais, mais moi, je vais te toucher, moi. Moi, je vais te toucher, je vais te déboîter. T'entends ça? Bah non, mais reste calme, il y a pas de problème, reste écoute. Je suis calme, là. Non, passe-moi ça... ma femme tout de suite, tu vas me rendre fou, toi. Passe-moi ma femme! Oh putain, hey, il est trop con, ton mec. Tiens, je te le passe, Marine, il est relou. Oh, il est relou. Mais c'est bon, on non, y a pas de arrive, bon. Je suis déjà à poil. Tu me prends pour qui à jouer avec ça? Hein? Tu m'appelles ton boulot, tu m'as bien baissé la gueule, là. Eh ben attends, j'arrive. Marine, regarde, je fais l'hélicoptère. Ah, il a raccroché, non, il a raccroché, Marine. Je voulais lui dire. Attends. Là, tu le pousses à bout, là. Je suis désolé. Attends, on le rappelle tout de suite, on va lui dire. En plus, le mec, il doit prendre la route, il faut pas qu'il se crache. Arrêtez, ah oui. Allô? Brice? Quoi? Bon, écoute, je vais te le dire très honnêtement. T'es sur Fun Radio dans le Love in Fun. C'était une blague. Attends, d'enfoiré, je suis dans la bagnole, va. Non mais sérieux là. Mais calme-toi, c'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Non mais sérieusement, j'ai eu un coup de flip avec Marine. On avait tous eu peur parce qu'on s'est dit, tu vas prendre la route dans ce mode-là. T'es à deux doigts de péter le carreau là. De la bagnole. Mais t'inquiète, Brice. Je tiens à dire, parce que là, je viens un peu de l'humilier devant plein d'auditeurs, c'est le meilleur coup et c'est pour ça que je l'ai épousé. Ah bah voilà. Même si c'est pas très long parfois, ça dépend. Monsieur, il a beaucoup travaillé dans la journée. En tout cas, Marine, t'as réussi à l'énerver. Ce qui veut dire que tu vas repartir avec ta tablette tactile. Bravo. Félicitations. La monnaie d'échange, elle est correcte. Tu énerves, tablette tactile. Tranquille, la vie est belle. Ouais. Eh, bisous, Brice. Bisous, Marine. Portez-vous bien. Ouais, salut. Fallait pas demander. Sauf à la team de Love in Fun. Sur Fun Radio. Eh ouais, dimanche, jeudi, 20h, 22h, le Love in Fun. Karel n'est malheureusement pas avec nous ce soir. Il sera de retour prochainement, vous inquiétez pas. Le doc est là. Oui, Alice là, est là. Toute la team est là. Également Cassim, ouais, du côté de la réalisation. Et Vince, c'est mon nom. Je viens de Fun Belgique. Ah oui, je suis le petit frère, en fait. Voilà, et je vais faire un coucou. En attendant, voici Imani avec Don't Be So Shy sur Fun Radio. Et on va voir Hugo dans le standard dans deux secondes là. Le mec, il a un talent de ouf, il sait faire plein de voix. On en parle tout de suite. Rest your head, close your eyes, you are right. Just lay down to my side. Do you feel my heat on your skin? Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, my heaps in your hands, and I'm laying down by your side. I taste the sweet of your skin. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy. Your smile, do you feel my heat on my skin? Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right. Take off my clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you sur Fun Radio. Ça s'appelle Don't Be So Shy. Ah, écoutez bien cette musique. Réécoutez-la encore. Moi, je vous dis, il y a du Jean-Jacques Goldman là-dedans. Non, ah, je dis ça, je dis rien. Non, ah, je le sens là. Love in Fun, bienvenue. Du sexe, de l'amour et du fun. Love in Fun. 01 42 48 5000. Love in Fun sur Fun Radio. Bienvenue sur Fun Radio, mon nom c'est Vince. Pour vous servir ce soir, 20h-22h dans Love in Fun, diffusé dans toute la Belgique et la France. Ah ouais. S'il vous plaît. Ah oui, ah, on rigole pas ce soir, on rigole pas. Et le doc est avec nous, ça va toujours le doc? Comme d'habitude, tout, très bien. Un ouais. Plaisir d'être avec toi ce soir, je suis bien là. Moi aussi ça me fait plaisir. Et il m'offre un accueil de ouf, on se fait des checks depuis là tout à l'heure. Ah c'est mon tonton le doc, hein. Tout va bien. Alice également. J'ai vu que t'avais un ticket avec Alice hein, quand même. Ah bon alors, bah, attends, si écoutez, c'est, si c'est un doc qui le dit, c'est qu'il a raison. Non mais attends, écoutez doc, j'ai un ticket, enfin tout le monde a un ticket avec moi. Non mais moi t'as un vrai ticket. C'est, t'es non, c'est un vrai ticket, attends, c'est pas une duplication. Il y a 25 minutes tu nous disais que t'étais casé, qu'elle écoutait. Oui c'est vrai effectivement, mais tu vois il y a Vince et Vincent, c'est pas pareil. Vincent il est marié, Vince c'est l'autre. Schizophrénie ici. Voilà, bon, merci, tu m'as encore mis dans l'embarras, tout va bien. Chérie, si tu écoutes, c'est de la radio. Avec une part de vérité, bien sûr. Voilà, bon, j'espère que vous allez bien, les amis. 01 42 48 5000, c'est bien le numéro. Je me suis pas gouré. Si, Cassim, je me suis gouré. Oui, 01 42 48 5000. Pourquoi vous me l'avez écrit nulle part? Pourquoi vous m'avez tout écrit sauf ça? Mais tu sais que je m'en rappelle depuis des années parce que ça a toujours été le même numéro, hein, depuis très très longtemps. Là, pour ça, je dis respect. Allez, les amis, on est sur Facebook tranquille. Hein. Love in Fun, si jamais vous désirez nous rejoindre, le site internet funradio.fr. J'avais promis qu'on avait parlé avec Hugo, et ben il est là. Salut Hugo. Salut l'équipe. Yo. Salut. Alors attention, Hugo, je prends une grosse voix. Parce qu'il paraît que tu as un talent de ouf. Il paraît que tu es le seul, unique, que tu es un homme unique. Avec des milliers de voix. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Hein. Et t'appelles non, pour nous dire que tu sais imiter ou pourquoi? Qu'est-ce que tu veux dire? En gros, je voudrais savoir pourquoi j'arrive à faire plaisir ou pas. Ah, ben vas-y. Donne-nous un exemple déjà pour voir si c'est bien cela. Allô? Tu peux nous le refaire? Vas-y Hugo. Allô? Non mais attends, tu parles juste aigu là. C'est quoi, ça? Alors attendez les gars, je sens le talent de ouf. Mais non, là, je sens qu'on a un homme. Hugo, attends, vas-y, refais-le-moi encore là. Allô? Hé, hey, attends, mais tu. C'est quoi votre école, la plus grande école ici de comédie en France? Pas trop, mais bon. Non parce que. T'en as une autre de voix comme ça? Oui. C'est pas la même. Tu dois faire du théâtre, Angin. Tu dois y... Mais est-ce que tu imites des gens connus? Il est fort. Coluche. Ah bah vas-y. Et puis, vous direz à Moni que c'est pas connu à ça depuis ce matin. Ah, je sens le cours Florent. Ah oui. Je sens qu'on a le cours Florent ce soir. Hugo, t'as une voix magique. Tu te rends compte? Et t'as un autre mec à imiter comme ça? Comment? Est-ce que t'as un autre mec à imiter? Est-ce que tu peux m'imiter moi? Tiens, vas-y, imite-moi. Comment? Essaye de m'imiter. Imite le doc, vas-y, je suis curieux. J'ai pas compris. Imite le doc. Ah, oh, ça, j'y arriverai pas. Il sait tout faire, mais... En fait, il sait juste faire aigu, et ouais, salut. Ouais, non, mais attends, c'est très simple. D'abord, ça nécessite un grand talent d'observation pour imiter. Et après, évidemment, c'est un travail énorme. Pour imiter le doc, il faut un grand talent? Non, pour imiter tout court, pour imiter tout court. Non. Oui, il faut un grand talent, oui. Parce que c'est dur. Mais bon, non, c'est vrai que les gens, à mon avis, les gens qui sont imitateurs, comme ça, professionnels, sont les gens qui travaillent énormément. Oui, parce qu'on le vanne. Hugo, on te vanne. C'est vrai, on te vanne. Bon, voilà, on va parler avec toi deux minutes par rapport à tes qualités. Mais c'est vrai, maintenant, quelqu'un qui voudrait imiter, qui veut devenir imitateur, qui veut imiter tout ce qu'il voit à la télévision, tout ce qu'il entend à la radio. Il faut déjà regarder celui que tu imites. Ouais. Le voir, il faut tout voir, il faut lire ce qu'il dit, il faut écouter ce qu'il dit. Ça marche dans la gestuelle aussi, c'est un comportement. Tout est comme ça. Après, la voix, bon, ça se travaille aussi. Il faut un micro et travailler dans le micro, tout simplement. Mais voilà, puis c'est dans la tête que ça se passe. Alors, moduler sa voix, c'est possible. En tout cas, pour ce que tu as fait, tu as modulé ta voix. C'est tout ce que je voulais dire. Tu l'as fait un coup aigu. Aigu, ça tombait bien par rapport à ce qu'a fait Hugo pour le coup. C'est pour ça que j'ai trouvé que le lapsus à consuet était intéressant. Ah ouais. Et un coup grave, voilà, c'est tout. Bon, pourquoi pas? Voilà, mais Hugo, tu peux faire une voix aiguë, toi? Alors, je peux essayer de faire une voix aiguë un petit peu comme ça. Salut, comment ça va? Purée, on se marre trop ce soir. Allez, tu peux nous faire une voix grave? C'est dur. Bonsoir, c'est le doc. Waouh. Ah waouh. Ah purée, hey, c'est drôle. Elle a brillé pendant deux secondes. Je sais pas ce qui s'est passé. Alors, Kassim, une petite imitation, vas-y, fais-nous plaisir. Attends qu'on est parti là. Moi, je peux parler du nez, moi, comme ça. Oh. Mais les meufs, je drague comme ça et à chaque fois, ça marche. Et c'est bizarre. On dirait que t'es pas loin du Canada quand tu parles du nez comme ça. T'es pas loin. Ah, tabarnak. Fallait s'y attendre. Bon alors. Et le Hugo... doc en aigu, ça peut être très drôle. Ouais. Vas-y, non, je suis incapable. Ah, doc. Doc, je mets ma main où tu penses et tu. Oui, oui, bien sûr, s'il vous plaît. C'est énorme. Il me met bien là, il me met bien. Alors il y en a, il parle jamais, il parle jamais. Alors je sais qu'il parle jamais, je veux le faire parler. Il s'appelle Maxime, c'est le producteur de l'émission. Ouais. Salut. Ouais. Alors ça va Max, ton moi, moi en fait je fais une voix unique pour toutes les imitations. Demande-moi n'importe qui. Vas-y, ok, bah fais-moi, je sais pas moi, Arlette Chabot. Salut, c'est Arlette Chabot. Fais-moi Sarkozy. Salut, c'est Sarkozy. Attends, attends, un dur. T'es prêt? Je vais le tenir de toute façon, je tiens tout. T'es prêt? Vas-y. Cyril Hanouna. Salut, c'est Cyril Hanouna. Oh, purée! Eh, mais de rien, ça se rapproche. Bon, Hugo. Merci. Est-ce qu'on a répondu à ta question, Hugo? Ouais. Ça voilà. Te va? Alors, je vais pas. On est honnête, on est cash dans cette émission. Si tu veux imiter, il y a du boulot. Voilà. Mais c'est tout. Il y a encore du taf, il y a encore du taf. Mais t'inquiète pas. C'est la volonté, ça marche. Hein. À force de bosser, ça va aller. Je suis persuadé. Courage, Hugo, là. Tout de suite, on va voir Aurélie, là, dans le standard avec nous, là. Elle a un petit problème à l'entrejambe. Bonsoir, Aurélie. Ah. Oui, bonsoir. Ah, on va parler de ton petit souci. Vas-y, raconte-nous en 5 secondes, s'il te plaît. Alors, voilà, je vais vous parler de mycose vaginale et de combien de temps ça peut durer. Les champignons vaginal. Okay. C'est les champignons dans le vagin. On en parle tout de suite. Ouais. D'abord, voici Kung sur Fun Radio. La radio numéro 1 sur les nouveautés. C'est Fun Radio. Benny Benassi et Chris Brown. Et Raïs Tréfi. Hey, it's David Guetta. It's our scene. Tini Tempa. La radio qui joue le plus de nouveautés, c'est Fun Radio. Le son Dance Floor. Et voici la sélection Beansport pour cet Euro 2016 qui rentre sur le terrain. J'aperçois Alexandre Ruiz, Arsène Wenger, Darren Tullet, Marcel Desailly en grande forme, Jean-Pierre Papin, Robert Pires, Luis Fernandez, Omada Fonseca, Christophe Jorge bien sûr et un Bruno Cherou très motivé. Vendredi, coup d'envoi de l'UEFA Euro 2016 avec le match France-Roumanie en direct sur Beansport. Et jusqu'au 10 juillet, vivez tout l'UEFA Euro 2016 sur un plateau avec Beansport. Faites l'essai, c'est sans engagement. Voir conditions sur beansport.com. Fun Radio et la carte bancaire Bimix offrent jusqu'au 4 juillet un iPad à tous les nouveaux bacheliers. Inscrivez-vous gratuitement sur funradio.fr et rendez-vous le 5 juillet en direct sur Fun Radio pour connaître le nom des gagnants. Infos et règlements sur funradio.fr avec Bimix. Bimix. La seule carte bancaire avec un côté fun. Plus d'infos sur bimix.fr. Bemix.fr. Tous les soirs, 20h, 22h. Love in Fun sur Fun Radio. Sur Fun Radio. Et non, ce n'est pas la voix de Karel. Si vous venez de vous connecter, Karel, bah, il n'est pas là ce soir pour des raisons familiales. En tout cas, on pense tous, bien entendu, à lui. Bienvenue sur Fun, Love in Fun. Et vous, qu'avez-vous appris en écoutant Love in Fun? Love in Fun. J'ai appris beaucoup de positions sexuelles, la levrette, la bourrette bulgare, la 69 et tout. Love in Fun. 20h, 22h sur Fun Radio. Ah, moi j'ai beaucoup appris aujourd'hui avec avec le docker. Et c'est pas terminé jusqu'à 22h. La bourrette bulgare, oui. Ah là là, j'espère c'est que tout le monde. C'est vrai ? Non mais non non, moi je suis très classique moi. Ah bon ? Ouais. Vous savez quelle est la position la plus utilisée ? Oula, bah, le missionnaire classique. Bah, évidemment. Bah, voilà. Oui. La deuxième, c'est la levrette. Mais en Belgique, il paraît qu'il y a une position qui prime en ce moment. Oui, vous l'appelez la levrette, nous on appelle ça le doggy style pour donner vraiment le côté très sauvage de la chose. Doggy style. Voilà, c'est drôle. Effectivement. Et toi là, c'est quoi je me permets, Alice. Moi, j'aime bien le doggy style. Ouais. Mais moi, j'aime bien aussi l'Andromax, c'est le missionnaire, tu sais. Ouais, la fille est dessus. C'est la fille L'Andromax. Qui est dessus. Ah, ouais, c'est un cheveu du zodiaque. Moi. Ah, non, non, mais attends, tu sais que les filles kiffent beaucoup parce qu'en fait. Elles contrôlent mieux les mouvements, donc elles sont plus en harmonie avec leurs désirs. Ah ouais, elles savent comment s'y prendre. Parce que les mecs, parfois, sont un peu bourrins. C'est vrai. Alors que les filles sont plus fines, elles guident le truc, tu vois. Ah oui, non, mais je sais guider comme ça avec des menottes, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Hein. On va avoir Aurélie dans deux secondes, là, qui va parler d'une histoire de mycose. Mais d'abord, on a des messages là qui arrivent, Alice. On a reçu un message de Gaëtan qui dit « Ma meuf a un cul plat, comment faire pour qu'il soit plus bombé ?» Oh, squat. Je me permets, squat. Je me permets le doc, la technique du squat. Vas-y. Tu connais le squat, j'ai fait devant toi tout à l'heure par un pur hasard. Hein. Ouais. Non, mais je vais pas le faire en live. Ah, si, c'est vrai, vous avez des caméras. Fais-le, vas-y, vas-y. Bah, attention, attention. Ah, mon abacou. Ah, ouah, tu fais bien le squat. Voilà. Non, mais c'est un truc de gym. En fait, il paraît, je ne sais pas, donc peut-être va confirmer ou pas, que le fait de faire beaucoup de squat, donc c'est-à-dire descendre plus ou moins en étant accroupi, les talons bien droits au sol et remonter et le faire plusieurs fois dans la journée, va faire que tu as tes fesses qui peuvent bien se muscler. Ça, c'est la musculation. En revanche, ce qui se passe chez les mecs, la répartition des graisses est plutôt vers les épaules, d'accord ? De la musculation et des graisses, c'est vers les épaules. Chez les femmes, c'est dans le bassin. Et le bassin est plus large forcément puisqu'il doit accueillir un jour un bébé qui doit passer. Donc en général, les filles ont des fesses rondes. Mais quelquefois, il y a des filles qui sont comme les mecs avec des fesses plates. Et ça, tu peux faire ce que tu veux. Il y a rien à faire. Il y a rien à faire. Eh ben, il faut que ça, c'est l'ADN, il assume parce sa que meuf, les filles qui ont des épaules de nageur et un cul plat. D'accord. Ah, c'est vrai, je regarde le Romano Doute, t'as raison, c'est vrai que c'est plein. La pauvre, on la salue, on lui fait un gros bisou. Autre message. Un autre message de Léonie, j'ai grillé un message chelou sur le téléphone de ma mère. Comment dire à mon père que bah, ma mère le trompe ? Laisse-la tranquille, les histoires de couple, ça te regarde pas. Ah ouais, mais non, mais moi, je trouve que cette promiscuité est gênante. C'est-à-dire, comment on peut aller fouiller dans le téléphone de sa mère, faut quand même être un peu. Je suis désolé, ça se fait pas. Il peut être là devant et puis il peut aller automatiquement dans les SMS ou automatiquement t'as lu le message, mais t'as moi, pas fait exprès. Moi je te dis tout de suite, ça me concerne pas, j'ai pas envie de regarder quoi. Ouais, non, mais je comprends, mais maintenant. Après, t'es dans la merde. Ouais, parce que tu fais quoi avec ta conscience ? Rien. Ah, tu fais rien, mais attends, c'est horrible, tu vas voir l'un des deux. Tu vas voir l'un des deux. Non, il faut pas aller voir le père en disant, tu sais, je pense que. Ça se trouve, il est au courant en plus. Je pense que ta femme te trompe. Non, il ne faut pas le dire ça. Je crois que c'est une histoire de couple. Les couples ont à gérer. Tu peux pas c'est laisser pas un, facile, petit indice, un petit indice, genre, écoute papa, je te dis rien, mais va vérifier des la choses. Chose que je, la chose que je déconseille, c'est le chantage. Genre, maman, pour que je me taise, Ah ouais, demander une petite PS4 derrière ou un truc dans le genre, une console. Non, je pense que Cassim ferait ça, non? Pas grave. Ah, lui, il vend tout le monde, lui. Carrément, quoi. Ouais. Tant que je peux me faire de la thune et des meufs, je me fous. Je suis à peine arrivé, lui, le stagiaire, ils ont dit ouais, Vince sur Fun Belgique, il a vanné les patrons de Fun France. Hein. Ouais, je suis à peine arrivé déjà, la bande de malins, hein. Vous n'avez pas demandé d'échange. Incroyable, non, c'était voilà, cool. En tout cas, ouais, c'est pas une solution d'aller parler au papa. Ouais, ah, d'accord. Voilà le message bien passé. Si jamais vous avez des réactions, n'hésitez pas. Vous allez sur la page Facebook du Love in Fun ou alors sur Twitter, hashtag Love in Fun. Aurélie, ma chérie, t'es là? Oui, je suis là. Ah, salut. Parfait. Aurélie dans la place, elle vient de Manosque, voilà, dans la région du PACA. Alors, Aurélie, qu'est-ce qui se passe? Petit souci au niveau de l'entrejambe, là? Voilà, je me demande, j'ai une mycose vaginale et je me demande. Bon, attends, on va refaire le film depuis le début. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'ai fait l'amour avec mon copain. Ouais. Le préservatif s'est rompu. Et après, Je croyais que ça venait de ça, la mycose vaginale. Ok. En tout cas, t'as eu une inflammation du vagin avec des pertes. Désolé, il est 25, mais bon. Oui, des pertes blanches, oui. Oui, des pertes blanches, ça te gratte et ça te fait mal. Est-ce qu'il a fait, excuse-moi de poser encore la question, est-ce qu'il a fait un prélèvement vaginal? Lui? Oui, non, mais est-ce que t'as envoyé au laboratoire pour prélever les pertes? Non, on peut faire une omelette avec les pertes. Mais... Attends, alors... hein? Ça passe bien, c'est plein de protéines, il paraît. Non, on peut faire du pain. Non, mais moi, je veux dire simplement une chose, Aurélie. Bon, je ne sais pas si c'est une mycose ou pas une mycose. Si ton mec t'a transmis une IST, parce que c'est là dont il s'agit, et la mycose ne fait pas partie des IST, en revanche, il y a les chlamydiés, c'est une IST, tu peux très bien avoir chopé des chlamydiés ou une maladie équivalente. Donc la première étape, à mon avis, tu vois, c'est avec ton médecin, mais c'est de faire un prélèvement après l'examen clinique pour voir quel genre de bestiole pousse là-dedans. Mais le doc, par rapport à Aurélie, est-ce que quand une fille a des pertes comme ça qui arrivent, est-ce que c'est d'office parce qu'il y a une infection ou c'est à cause d'une relation sexuelle Il faut ça peut pas être un slip, je sais pas, un string que t'aurais mis qui était sale. Tout est possible, bien sûr. Notamment, les activités masturbatoires peuvent générer une inflammation et donc une infection. Bien sûr, mais en revanche, il faut absolument éliminer des IST, dont les chlamydiés, qui sont des maladies qui donnent peu de signes. Mmh. Et qui en revanche peuvent être extrêmement nocives, aller jusqu'à entraîner une stérilité tubaire. Les trompes se bouchent et voilà. Non, mais c'est très important ce que je te dis là, Aurélie, et je dis ça pour toutes les filles qui écoutent. Les IST sont pas forcément extrêmement brillantes. La pire, c'est le sida qui n'est pas brillant. Brillante jusqu'au moment où, hélas, ça se déclare. Donc il faut être très prudent avec ça. Donc il faut aller reconsulter, faire des prélèvements, regarder de près et voir, éliminer en tout cas une infection plus grave bactérienne. Après, si c'est qu'une mycose vaginale, ça se soigne, si c'est le cas en tout cas, par des traitements locaux. Et si le traitement local qu'il t'a donné, puisqu'il t'a donné un traitement, n'a pas agi, c'est qu'il y a autre chose, ma petite. D'accord. Okay, mais oui. Et comment ça, elle peut durer la mycose vaginale en fait? Non, mais c'est ce que je viens de te dire. S'il t'a traité et que c'est toujours ça, c'est que c'est pas une mycose. D'accord. Okay. Eh oui, probablement. D'accord. Donc. Est-ce qu'elle n'est pas juste excitée, qu'elle a des pertes, je sais pas. Oui, mais ça gratte, oui, que ça gratte, oui, mais les pertes, non. Ah, peut-être une super excitation. Non, mais la mouillure vaginale et les signes d'excitation n'ont rien à voir avec les pertes. Voilà. Ok, voilà Aurélie, comment il faut faire. Aurélie, et puis alors en même temps, dernière chose, le mec aussi, parce que. Ouais, bien vu, ouais. Hein, le mec, faut pas l'oublier dans l'affaire. Oui, je sais. Bah oui, il faut y aller tous les deux, donc. Et lui aussi, il faut qu'il se fasse examiner, regarder, voire prélever. Ok. Ok. Bon courage. On te fait un gros bisou, Aurélie. Tiens-nous au courant, ça va? Salut. D'accord. Bisous, ma chérie. Bye bye, ciao, ciao. Voilà, on a Antoine qui est avec nous, là, dans le standard. Salut, Antoine. Salut, Antoine. Yo, Antoine, quelques secondes, on va parler avec toi, toi qui viens d'Evry, là, d'une question. Tu as une question à poser, je pense, à toutes les filles. Qu'est-ce qui se passe? Je voudrais savoir une moitié de question. Vas-y. La moitié de question. Comment être sexy pour un mec? Oh là là. Comment être sexy pour un mec? Les filles dans le studio, elles vont nous le dire. C'est quoi un mec sexy, entre guillemets, pour toi, quoi? Ouais, pour les hommes en général, quoi. D'accord. Bon, voilà. Écoute, on en parle. Dis-nous, là, réagissez. C'est quoi pour vous un mec sexy, Alice? Un mec sexy, 5 secondes. Bah, c'est dans la manière de parler, la manière de faire, voilà. La manière de saper aussi. Ah, saper comme Jaja. Voici Freaks sur Fun Radio, Rehab, let's go. I don't care what they say, I'm not about to pin nobody's way, 'cause it's all about the dog in me. Mm-mm. I want a freak in the morning, a freak in the evening, just like babe. I need a perfect brother that can satisfy me, just for me. If you are that kind of man, 'cause I'm that kind of girl. I got a freaking secret everybody sing, 'cause we don't give a damn about a thing. 'Cause I'll be a freak until the day, until the dawn. everybody sing, cause we don't give a damn about a thing. Cause I'll be a freak until the day, until the dawn. Oh yeah, and we get along all through the night to the early morn. Come on and I will take you around the hood on a gangster lead. Sur Fun Radio, Freak à l'instant même, le son de Rehab, son dance floor. Ah, tranquille, c'est Levin Fun. Je m'appelle Vince, il y a le doc, il y a Alice, il y a toute l'équipe, bienvenue. À quoi pense-t-elle ? Levin Fun et Girls.fr vous disent tout. Ce que veulent les filles dans Levin Fun. Ah, ça fait 29 ans que je cherche, j'ai toujours pas trouvé moi. Peut-être que je vais avoir des réponses ce soir. Ce que veulent les filles sur Fun Radio. J'espère que vous allez bien les amis. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Facebook hein, si vous avez des réactions par rapport à n'importe quel sujet, vous voulez passer à l'antenne. Ça se passe sur Facebook Lovin Fun. Et puis pourquoi pas, vous pouvez nous snapper sur Lovin Fun Radio, tout simplement. Antoine avec nous, ça va Antoine, toujours tranquille? Salut Vin, salut tout le monde. Ah, salut. Parfait. Le doc est avec nous aussi bien sûr ce soir, ouais. Le seul, l'unique. Et on va discuter avec toi bah, Antoine d'une question. Voilà, une question que tu vas nous reformuler différemment, hein, comme ça, ça va être un petit peu plus clair. Explique-nous un petit peu là, ta question là, pour les filles. Eh ben, je voulais savoir comment être sexy pour un garçon, comment ce qui plaît aux filles. Et toi, tu pourrais nous dire un peu comment tu fais aussi. Et pour toi, je m'y connais. Une fille sexy, c'est quoi pour toi? On va commencer par elle. Pardon, c'est bon. Une fille sexy pour toi, c'est quoi? Ah, voilà. Et bah, une fille qui s'est apprêtée, on va dire, tu vois, qui met un petit décolleté, petite jupe, des talons. Ouais, enfin, ouais, c'est pas la même chose pour les mecs, hein, c'est pas du tout la même. Je suis sûr, voilà, le doc il attendait, genre, bah, tu vois, c'est pareil pour les mecs en fait, il faut bien s'habiller. Non, mais lui déjà, tu vois, en fait, ce qu'il veut, c'est, il veut que les filles montrent leurs attributs. Bah, c'est comme ça qu'une fille, entre guillemets, charme de manière implicite. Alors voilà. Là, qu'est-ce qu'il faut montrer pour les garçons? Ah ouais, bah nous on peut pas se balader et montrer. Alors je sais pas, tu m'as posé la question Antoine. Moi je crois pas que j'ai la clé, je crois pas que j'ai de recette. Je crois que ça fonctionne selon les personnes que tu rencontres qui vont peut-être kiffer une chose ou quelque chose d'autre, je ne sais pas. Moi en tout cas j'essaie de rester moi-même déjà. Rester soi-même, tu vois, de pas te mettre dans un genre. J'ai l'impression que les filles trouvent ça sexy. J'ai l'impression, je sais pas, j'ai pas parlé à mais je pense que les garçons cherchent pas les mêmes choses chez les filles. Les filles cherchent autre chose chez un garçon. C'est pas les mêmes... niveau de recherche. Alice, c'est physique ou pas ce que vous cherchez, vous, les filles? C'est sûr qu'il y a pour certaines personnes, c'est plus facile d'être sexy que pour d'autres. Il y a un moment, faut pas être hypocrite. Tu veux dire, un beau mec, ça existe? Bien sûr, non, mais c'est plus facile quand, je veux dire, t'es gâté par la nature de te mettre en valeur que pour certaines autres personnes. Mais je pense que ça. Bah, hier, Gainsbourg, il a réussi son physique, hein. Mais je pense que il a mis du temps. Ouais, c'est vrai, c'était pas tout de suite. mais je pense vraiment que c'est un tout. C'est vraiment aussi, je pense, la manière de parler. Un mec qui parle mal, il est ni classe, ni sexy. Un mec qui sape n'importe comment, qui prend. Allez, moi, qui... Voilà, qui prend. Et je pense que ça joue aussi vachement par le charisme, le regard, le sourire. Il y a des trucs qui vont faire que, à ce moment-là, le mec-là, on va le trouver sexy. Ouais, bon, si t'as le regard et t'as une conjonctivite, c'est galère quand même. On a Anastasia pour réagir justement, là. Bah, voilà, on a posé la question aux demoiselles. Elle répond, Anastasia, tu as 24 ans, tu viens d'où? Pérouet, en Belgique. Ah, bah oui. Ah, bah voilà, une Belge. La Belgique, représente la Belgique qui nous écoute ce soir, là, dans le Love in Fun. Karel qui va bien. Il n'est pas avec nous ce soir parce qu'il y a des petits soucis familiaux, là. Pas de problème, là. On va régler ça, tranquille. Et on est là avec vous. Et Anastasia, ça fait plaisir de t'avoir en France. Alors, toi, tu voulais réagir par rapport à ça. Justement, explique-nous un petit peu. Bah, pour moi, le minimum, c'est qu'il fasse attention à sa coiffure. Enfin, qu'il soit un minimum coiffé, à son image. Habillé classe, mais pas. Enfin, en restant simple, mais pas les survêtes. Faut éviter les survêtes. Ça fait pas très, très classe. Le survêt, c'est, tu veux dire, le truc survêt de sport, basket, quoi. Ah ouais. Ah, oui, d'accord. Tu veux un jeune cadre dynamique? Tu veux un jeune cadre dynamique? Hein? Avec le CV qui va avec. Tout va bien. Ouais, et le porte-monnaie. Non, mais Anastasia, je veux dire, tu peux avoir un Cristiano Ronaldo que tu vas avoir. Bah, il va être beau gosse dans son survêt, tu vois. Tu peux le kiffer. Mais pas tout le temps. Alors, on va te poser la question différemment. Est-ce qu'il y a des signes physiques qui vont t'attirer et d'autres qui te rebutent totalement? Je parle du physique. Oula. Un homme qui prend pas soin de lui, déjà. Attention, parce que les hommes, généralement, prennent pas soin d'eux. Tu veux dire quoi par là? Enfin, sauf Kassim, pardon. Avec la mèche qu'il a, Justin Bieber. Qu'il fasse un minimum attention à lui, un minimum bien rasé, bien coiffé, enfin, bien apprêté, quoi. Un petit détail qui peut... Comparé à quelqu'un qui se néglige, c'est moins attirant. Ouais, d'accord, ok. Mais physiquement, les belles épaules, la grande taille, la petite taille, la physique, la tête, non, rien. Grande taille, préférence. Après, ah oui, quand même, oui. Il paraît que maintenant, les filles, elles kiffent pas mal le petit ventre que tu peux avoir, là. Tu sais, quand t'as un petit... C'est confortable. Oui. Ouais, pas qu'elles aiment bien, je sais pas. Moi, ça me gêne parce que ça cache tes en dessous, tu vois. Ça leur va pas à tous, je dirais. T'aimes bien le petit ventre? Ça leur va pas à tous. Ah, ouais. Pas à tous. Ouais, d'accord. Bah, c'est pratique quand tu vas nager, tu sais, tu risques pas de couler. Ça, c'est... Je regarde ouais, Vince en même temps. Ah, attends, regarde-moi. T'as vu les pecs? Quand il rentre le ventre, ça va mieux. Oui. Ouah, non, mais qu'est-ce que tu veux? J'ai trop mangé ces derniers temps, vous m'avez bien accueilli, les gars. Est-ce que t'as un mec sexy dans ta vie? Non, là, je suis actuellement célibataire. Ah oui, d'accord. Ah, libre comme l'air. Ah, bah écoute, Anastasia, merci pour les conseils. Parce que tu vois, Cécile, par exemple, je cherche pas un mec sexy, je cherche un mec tout court. Calmos, quand même, je demande un minimum. Ah, c'est quoi le minimum pour toi? Une tub. Ouais, et puis, deux bras, deux jambes, quoi. T'as pas besoin qu'il sache cuisiner ou un truc dans le genre. Tu veux juste qu'il s'occupe de toi, en fait, si je comprends. Ouais, bien. Voilà. Non, et puis qu'il soit drôle. Elle a réfléchi, genre, ouais, drôle, ça peut être sympa. Ouais, en plus. Drôle, pas trop con, quoi. Elle fait sa commande, là. Ouais, donc voilà, Kassim, t'as aucune chance, quoi. Drôle et pas trop con. Jamais je te taperai dedans, toi. Oh, je suis trop déçue. C'est bien, elle va pas porter plainte pour coups et blessures, tout va bien. On te fait un bisou, Anastasia, et bisous à tout Perouet. Hein. Oui, bisous à l'équipe. Salut. Voilà, et bisous à Ténéroël de Perouet, que j'ai été visité il y a pas très longtemps, là. Gros bisous à vous, les amis. On a Cindy qui est là. Salut, Cindy. Salut, Cindy. Salut, hey. Ça va, Cindy, tu vas bien ou quoi? Bon, ouais, ça va. Ah, tu veux réagir à... Tu viens d'où, Cindy? Ah, oui. Alors, moi, je suis de Sissonne, pas loin de Laon. Pas loin de Laon? Ah, c'est pas loin de la Belgique, hein. D'accord. Ah, je ne sais pas du tout. Alors, j'avoue. C'est dans l'Aisne. Dans l'Aisne, oui, c'est pas loin. Laon, pas loin de l'Aisne. Dans le Nord, oui. D'accord. Ah, moi, je suis en train de regarder. L'Aisne, c'est un département. Oui, mais c'est un département. Non, pas loin de Laon. Ah, ok, d'accord. Mais c'est bien, j'apprends des choses. Bon, Cindy, ma chérie, si t'es avec nous à l'antenne aujourd'hui, c'est aussi pour réagir par rapport à la question d'Antoine. Qu'est-ce qui est sexy? Qu'est-ce que veulent les filles, chez un mec en matière de sexy attitude, de sex appeal? Oui. Ah, bah, moi, personnellement, comme je dis toujours, c'est les choses simples, les meilleures. Un petit jean, une chemise ouverte, puis surtout un gars pas négligé. Tu peux se coiffer un petit peu, s'apprêter, voilà, pas négligé. Puis éviter le mode lascar, style survêt, basket, comme disait Anastasia, bah, style lascar, comme je dis, c'est pas le truc top top qui attire, quoi. D'accord. Alice, vous voulez réagir? Bah, y a pas mal de réactions justement par rapport à ça, et il y a Vanina qui dit que pour elle, tout est dans le regard, les femmes aiment qu'on les regarde comme si elles étaient la plus belle chose au monde. Alors ah, je sais pas ça, ce que ouais. Vous en pensez, mais voilà. Bien sûr, les femmes adorent que les mecs s'intéressent à elles, ouais. Mais elles aiment pour autant, pas comme des prédateurs. Ah non, pas du tout, parce qu'il y a alors aussi ça, c'est toute prédateur. L'astuce, tu vois. Manger, tu sais, après nouvel épisode de The Walking Dead, tout va bien. Ouais. Mais, c'est trop ça. Voilà, mais en tout cas, Cindy, ben, c'est bien, mais j'ai remarqué que c'est vrai, les filles, ben, comme on a ouais. Parlé le doc, ben, c'est pas vraiment sur le physique à 100%, non, quoi. Non, ouais, pas comme nous. L'allure. Voilà, j'ai l'impression que les mecs, c'est, ouais, on est plus à regarder en les courbes. En fait, tu veux qu'il soit rassurant, le mec, c'est un peu ça, quoi. Bah oui. Un mec qui se tient bien, qui est à peu près bien coiffé, qui a pas le grand costard, mais voilà, des beaux vêtements, c'est quelqu'un qui. Voilà. Donc, qui prend soin de lui, voilà. Donc Antoine, meilleur conseil, boum, tu vas t'acheter un beau tailleur, tu vois la chemise, elle a dit la chemise, hein, le jeans, tu vois, pas trop déchiré. T'achètes un peigne si t'as les cheveux longs. Voilà. Et okay. Voilà, surveille tes cheveux, surveille tout, tu fais le beau gosse, et puis surtout, surveille ton vocabulaire. Ça va, Antoine? Nickel, merci. Salut. Allez, gros bisous, à bientôt. On va voir Elodie dans deux secondes sur Fun Radio. Là, elle a un sextoys usagé, elle voudrait s'en débarrasser. C'est pas très hygiénique le truc. Hein. On en parle avec Elodie qui a 19 ans, qui vient de Marseille dans deux secondes. Là, bah, d'ailleurs, elle est déjà là, Elodie. Ça va, Elodie? Oui, ça va. Ouais, salut. Mais ouais. Ça va, ma chérie. On en parle de ça avec toi dans deux minutes. Et le son de Mike Posner avec I Took a Pill in Ibiza. Love in Fun, dans direct, dans toute la France et la Belgique. Bienvenue. Suivez-nous sur Facebook, la page Love in Fun. Bruno. Dès votre réveil, c'est Bruno dans la radio sur Fun Radio. Salut, c'est Bruno. This is Mike Posner. Cette semaine, partez avec nous à Ibiza fêter l'arrivée de l'été grâce à Mike Posner. Ah, j'y crois pas. Jouez tous les jours à 8h30 au jeu des 30 secondes. Et gagnez votre séjour pour aller faire la fête avec l'équipe de Bruno dans la radio à Ibiza. Everybody's welcome to the party. Et ben voilà, c'est gagné. Wow, merci Bruno, merci Fun. Ça se gagne chez Bruno dans la radio. 6h-9h sur Fun Radio. Un été sportif chez Micromania. Vivez des émotions fortes. Et profitez d'offres exceptionnelles.

Ah, je crois que c'est le mec qui est pour l'instant dans la vibe, hein, ça c'est sûr. Feder qui était numéro 1 en France. Et plein d'autres artistes, à savoir Luan, Kesha Jones, Célasou, ils seront tous du côté du Solid Days. Et d'ailleurs, pour en parler, on a Luc Barruet qui est avec nous, le fondateur de l'événement. Allô Luc ? Bonjour. Salut, salut Luc Barruet. Bonsoir Luc, comment ça va ? Bah, plutôt pas mal, même si c'est une période plutôt chargée pour nous. Et ça se rapproche l'événement là. Ah oui, ça se rapproche. Et j'ose pas vous dire tout ce qu'il nous reste à faire encore. En tout cas, Luc, si t'es avec nous aujourd'hui, bah c'est pour nous en parler de ce festival quand même, hein, qui est présent pour un quelque chose de super important. On est d'accord que le SIDA, on est tous touchés. On en parle beaucoup. Le Doc en parle énormément dans le Love in Fun. Juste un truc, t'as déjà pensé au Doc en DJ pourquoi pas? Non, je crois pas. Ça va casser le programme. Mais pas forcément. Ça peut être un style. Ah oui, ça peut être un style. D'accord. Ouais. Je pense qu'il est capable de faire pas mal de choses. Bien sûr, oui. Je suis sûr qu'il est capable de jongler. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu, s'il te plaît, de Solidarité SIDA? Oui, comment ça se passe, ces actions? Ça fait déjà quelques années qu'on existe, parce que Solidarité SIDA a maintenant près de 24 ans. Et donc, c'est une association de jeunes. Donc, il y a près de 3000 bénévoles dans le cadre de l'association. Et on travaille principalement sur le terrain de la prévention. Donc, toute la semaine, on fait des opérations auprès des lycéens, mais dans un cadre hors scolaire. C'est-à-dire qu'on les sort de l'école pour aller dans les salles de spectacle, pour leur faire des projections du zapping, des quiz où on parle sexualité, réduction des risques, contraception, rapport homme-femme et autres. Et puis, on fait aussi pas mal le soir de foyers de jeunes travailleurs pour aller toucher et aller à la rencontre de jeunes qui ont un peu moins accès à l'information. Donc voilà ce qu'on fait. Et puis sinon, on fait pas mal de lieux festifs, et notamment à Paris. Ce qu'on appelle des sex clubs, des endroits où on consomme de la sexualité. Et donc, suffisamment de précautions. Il faut reconnaître que là, il y a quand même un courant depuis 20 ans, un nouveau courant, qui consiste à dire, bon, allez, pourquoi se protéger? Il faut quand même le reconnaître, ça, c'est un vrai problème, ça. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il y a un phénomène de relâchement. Ça fait maintenant plus de 20 ans qu'on parle du sida. Donc, depuis qu'il y a l'arrivée des antirétroviraux, en tout cas des médicaments qui permettent de mieux vivre avec la maladie, il y a une forme de relâchement. Il y a pas mal de jeunes, notamment, qui pensent qu'aujourd'hui, soit on guérit du sida, soit il y a des pilules du lendemain, entre guillemets. Ou que ça va pas nous arriver. Ça a été proposé. Moi, ça me choque un peu, de dire vous allez avoir des relations sexuelles ce week-end sans protection avec n'importe qui. Vous allez prendre des antirétroviraux avant d'y aller. Ça a été proposé, ça. Alors bon, moi, mais c'est ouf, assez choquant parce qu'effectivement, ça veut dire que d'un seul coup, on pourrait se passer du préservatif. Je crois qu'il faut vraiment se concentrer sur la prévention. Ça me paraît quelque chose d'essentiel. Sur le dépistage. Maintenant, ce qui est clair, c'est que les traitements ont fait quand même une grande avancée. Et donc aujourd'hui, quand on a couru un risque, il peut y avoir un soin ou un accompagnement qui permet de réduire les risques. D'où l'intérêt, ce que dit Luc, du dépistage à faire. Il ne s'agit pas de se culpabiliser. Maintenant, avec même les autotests, on peut s'acheter un test et se le faire soi-même pour ceux qui flippent un peu. Nous, on l'avait testé ici, c'est... On rappelle quand même qu'il faut attendre... Trois mois, l'autotest, oui. Voilà. Mais bon, sinon, l'autre test, c'est un peu plus court. Bon, en tout cas, Luc, c'est bien, c'est important, on est d'accord que Solidé soit là pour rappeler que le sida est là, il est toujours parmi nous, qu'il n'est pas parti, et justement, qu'il faut continuer à se protéger. Et en même temps, les autres IST dans la foulée. En tout cas, pour ce festival, on s'amuse, on voit plein de beaux artistes, et en même temps, les passe payé, ça sert à quelque chose. Ça sert à financer des programmes de prévention et des dommages en France et l'international. C'est pas mal. Et surtout, je précise aussi, c'est que à Solidès, bien évidemment, il y a 8 scènes de la musique. Il y en a le jour, la nuit et de multiples endroits. Mais il y a beaucoup d'autres choses à faire que de la musique, puisqu'il y a des conférences, il y a des associations du monde entier qui viennent. Il y a plein de choses à faire autres que la musique. Et voilà, je pense que pour ceux qui n'y sont pas encore allés, c'est vraiment un espace à découvrir. Absolument. Eh bien, on ira en tout cas. Solid Days, les 24, 25 et 26 juin. Il y aura DJ Snake. Hippodrome de Longchamp. Exactement. C'est tout près de Paris. Boulogne. Au port de Paris, exactement. Allez, bisous tout le monde. Merci Luc. Salut Luc. Et on continue sur Fun Radio avec Elodie qui est avec nous. Salut Elodie. Salut. Yo, Love in Fun, toujours en direct. Elodie, tu as 19 ans. Tu viens du sud de la France. Tu sais, ça, c'est le Belge qui a essayé de faire l'accent du sud de la France. Vas-y, refais du mieux, là. Le sud de la France. Ah non, j'arrive pas. Ah, non. France. Ouais, c'est pas grave. Elodie, mon chéri, t'as 19 ans. Tu viens de Marseille, donc. Et t'as une histoire de sextoys, là, que t'as déjà utilisé, beaucoup utilisé. Et t'as envie de te débarrasser, c'est ça? C'est ça, je voulais savoir si un sextoy, il avait en gros se revendait bien. D'accord. C'est très original. On va voir ça tout de suite. Dans quelques secondes sur Fun Radio. Avant ça, voici Mike Posner avec I Took a Pill in Ibiza. Love in Fun sur Fun Radio en direct en Belgique et en France. I took a pill in Ibiza to show a Fiji I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older, but it was something to do. I'm living out in LA. I drive a sports car just to prove I'm a real big baller, cause I made $1 million and I spend it on girls and shoes. But you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Oh, I know a sad soul. Sad souls, darling. All I know are sad souls, sad souls. A reminder of a pop song people forgot. And I can't keep a girl, no. Cause as soon as the sun comes up, I cut them all loose and work's my excuse. But the truth is I can't open up. And you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage and stuck up on that stage singing. Oh, I know our sad souls, sad souls. Darling, all I know our sad souls, sad souls. Ah ouais, la première fois que vous l'avez entendu, c'était certainement sur Fun Radio, le son Dance Floor. I Took a Pill in Ibiza, Mike Posner. On est toujours dans Love in Fun. Le doc est là, Alice est là, toute l'équipe est là. Et même le standard, ça va le standard, coucou. Oui. Hello. Et moi c'est Vince, bienvenue. Jusqu'à 22h, Love in Fun. Love in Fun. Du sexe, de l'amour et du fun sur Fun Radio. J'adore, je les ai pris au dit pourvu, ils s'y attendaient pas au standard. Ah, c'est, ils ont réagi quand même. C'est vrai, ouais, heureusement. Hein. Ça va dans votre aquarium là-bas? Ouais, ça va. Ça va, on fait notre petite vie. Et c'est bien parce qu'à Fun Belgique, le standard, il est à côté de moi, tu vois. Ah, donc tu peux taper dessus carrément. Ah, ouais, ouais, non, mais c'est génial. Hein. Ouais. Dès qu'il y a un auditeur, il passe à l'antenne et puis boum, il a raccroché sans faire exprès. J'ai le standard sur qui je peux. Te défouler. Ah ouais, des petits tacles comme ça à la Messi, c'est très rapide. J'espère que tout se passe bien de votre côté les amis. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Facebook, la page Love in Fun. On est en live du dimanche au jeudi de 20h à 22h. Enfin en live, surtout Karel est en live, mais il est pas avec nous que ce soir malheureusement. Oui, Karel, petit souci familial là, voilà, il sera très bientôt de retour sur Fun, vous inquiétez pas. Et Elodie est avec nous, elle a 19 ans et elle vient de Marseille. J'adore le mec, mais le belge gros relou, tu vois, qui essaie de faire l'accent de Marseille. Elodie ma chérie, je veux juste faire un petit test comme ça pour la blague. Fais-moi l'accent belge, juste pour la blague, vas-y. Je sais pas. C'est pas grave, j'ai essayé. C'est pas grave. Alors, une fois, c'est quand tu veux. Voilà. Il est chaud. Eh purée, ça commence comme ça et ça finit bourré en dessous du Mannequin Piece à Bruxelles. Hein. Voilà, donc il va rentrer avec moi à Bruxelles ce soir, je le sens. Elodie, ma chérie, on parle d'un sujet. Alors, est-ce que ça se fait de revendre un sextoy usagé? Donc là, t'as envie de t'en débarrasser, si je comprends bien ton sextoy là. Ben, disons que j'en ai plusieurs et il y en a qui, certains qui commencent à être vieux. Ils sont usés, vraiment usés. Tu me comprends, enfin. Non, mais ils ça veut dire quoi à... C'est-à-dire qu'ils sont râpés, ils sont usés, ils sont un peu. Je les renouvelle. Non, je pense qu'ils sont encore utilisables, mais. Mais attends, t'en as combien? Un peu moins d'une dizaine. Ah ouais? Ah, ils servent tous? Eh bien, justement, il y en a qui ont servi, il y en a maintenant qui servent plus que les anciens. Ah, il y a des trous dedans, c'est l'érosion, elle est tellement mouillée, c'est normal. Dis-moi, tu t'en sers tous les jours? Pas tous les jours, mais très souvent. Ouais, ok. Bon. Et là maintenant, bon, quoi, qu'est-ce qui se passe? T'as trouvé plutôt t'as remplacé le plastique par le naturel et donc tu veux te la vendre? Non, mais j'ai mon copain, mais en fait, j'ai un copain aussi, mais on aimait s'amuser. Mais en fait, au lieu de. Parce que ça coûte cher quand même, un sextoy. Et il me dit. Bah, tu veux le revendre? Tu veux pas. Enfin voilà, débarrasse-toi de ce que. Oh chérie! Si tu veux que je te fasse l'amour pendant les vacances en Thaïlande, tu me revends tout ça, il y en a pour 4000 euros. Pas de problème. Bon, alors justement, c'est particulier quand même, hein, ça a été dans un endroit comment intime. Comment revendre Est-ce que ça se revend, quoi? Bah, ça se lave, bon, enfin bon. Ouais, mais ça se lave, c'est suffisant. Le docteur pense quoi, toi? Non, je pense que franchement, c'est un peu bizarre. C'est du plastique, tu sais, tu le mets à fondre, tu le remoules dans autre chose. Tu peux faire plein de petits sextoys, tu vois, si tu veux, et les revendre en Chine, ça correspond bien, tu vois. Mais tu seras pas la première, en tout cas, parce que du coup, j'ai été regarder un petit peu, et oui, les gens vendent leurs sextoys. Arrête. Si, ouais, occasion des 5,93€, occasion des 19€. Voilà, toutes sortes de sextoys se vendent. Voilà. Ah, d'accord, ok. Je suis sûr qu'il y a des mecs pervers qui rachètent ça, on se dit. Mais c'est ça. Et le premier truc qu'ils font quand ils déballent, c'est. Ah ouais. Je sens. Ah, c'est le Val-de-Marne, ça. Oh, ça vient du Val-de-Marne, je suis persuadé. Donc en gros, ça peut marcher, mais surtout si tu fais le. Est-ce qu'on a un acheteur là? Ah ben justement, il y a un truc particulier dont j'ai envie de vous parler. En Belgique, parce que je fais la libre antenne sur Fun Belgique en même temps que vous, il y a un gars qu'on appelle. Qui comment je peux vous expliquer? Il est particulier, Elodie. Il est vraiment particulier. C'est un gars qui décroche tout le temps son téléphone et il travaille dans tout ce qui est déménagement. Enfin, il vide un petit peu les greniers, les garages. Aussi. Voilà. Mais sauf que le gars, on l'ennuie tout le temps. On lui fait croire qu'on est intéressé, qu'il doit venir déménager chez nous, etc. Et à la fin, on lui dit bah, est-ce que t'as pas intéressé par des gos d'en bois? Parce qu'on a des gos d'en bois. Et là, le gars, il a compris que c'est une blague et il pète un câble. Ça va très très loin. Donc, et justement, Elodie va l'appeler. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais l'appeler moi. Elodie, ça peut être ma copine, il n'y a pas de problème. Elodie, on va tenter de se débarrasser de tes godes, sauf que tout d'un coup, tes godes sont des godes en bois. Vas-y. Mais on va pas lui faire comprendre tout de suite. Hein. On va prendre le temps. Donc là, vas-y, appelle. On a reçu le numéro de téléphone depuis la Belgique. On salue nos amis belges. Je salue tous les frangins, toute la Belgique et bien sûr la France aussi. Certainement. On va tenter d'appeler le gars. Il s'appelle Dominique. Hein. Oui, allô? Oui, bonsoir monsieur. Je ne vous dérange pas? Non, du tout. Hein. Excusez-moi, il a un petit. En train de regarder Céline Dion à la télé, quoi. Ah, écoutez, très bien. Excusez-moi, Danger, j'ai vu votre annonce sur Internet. Il est un petit peu tard, je suis vraiment navré. Voilà où vous précisez justement que vous venez faire des déménagements, enfin, des sortes de déménagements. Vous videz les greniers. C'est bien ça, hein? Ouais, nous, en fait, en somme, hein, on est des videurs de greniers. On a spécialisé. Attendez, excusez-moi, je termine de manger. Bon appétit, je vous en prie, à votre aise. Ouais. Pas de problème. Donc nous, on est. Non, mais chaque fois qu'un client m'appelle, moi, ma devise, c'est toujours le client et roi. C'est très gentil. Mais justement, excusez-moi, parce que j'ai pas de temps. Donc moi, ce que je vais vous expliquer gros. Mais j'aime toujours préciser ça aux clients. Nous, on n'est pas déménageurs. Hein. Donc nous, à la base, ce qu'on fait, on vide les greniers. Hein, on vide ce dont on avait plus besoin, quoi. Et voilà, quoi. J'ai beaucoup de. On a pas mal de choses. On a des objets, un petit peu des objets phalliques. Vous savez ce que c'est ou pas des objets phalliques? Non, on a pas mal d'objets. Alors, j'ai vu que vous étiez spécialisé dans le bois. Ben justement, c'est le cas de le dire. On a pas mal de mal. Alors, Elodie, on a quoi comme matos? On en a combien, plus ou moins, à donner? Une dizaine. Alors, on a dizaine de matériaux en bois. Ça vous intéresse? Ouais, j'adore ça. Enfin, c'est top. Mais vous êtes basé où, en fait? Nous, on est à Liège, hein, à côté de. Enfin, c'est rien, quoi. À Liège, en Belgique? Ah, ben écoutez, moi, je suis à Paris. J'ai vu ça sur Internet. Je suis un peu étonné. À Paris? Oui. Ah, mais t'es fou, toi, t'es tombé sur ta tête ou quoi? Bah, écoutez, je vous paye le transport. On est Paris 16, je vous inquiète pas, je suis bien. Financièrement, on est tranquille, donc vous venez, et puis moi, je... Ah ouais, parce que là, ça va venir. Parce qu'à Paris, le temps que je prenne ma camionnette, il y a mon beau-frère, il y a quoi? Il y a 5-6 heures de route, hein. Je n'ai jamais été à Paris, hein. Mais c'est vrai? On a un grand objet phallique aussi au milieu de Paris, si ça vous intéresse. Mais bon, bref, on va passer les détails. Donc, vous pouvez venir demain? C'est urgent, c'est vraiment très urgent. Ah non, ça c'est pas possible, ça. Bah écoutez, monsieur, 2000 euros le trajet, c'est bien. Combien tu donnes? 2000 euros le trajet. 2000 euros. Non. Bah si.